un copain. Merci d'être fidèle au rendez-vous, l'émission Mavrika. Depuis plus de 11 ans, on fait cette émission. Donc aujourd'hui, c'est la 489e, il me semble. Oui, c'est à vérifier, mais 489e émission de Mavrika. Donc le vendredi soir, aujourd'hui, les horaires ont changé depuis quelques temps. C'est de 19h à 22h, 3h ensemble, où nous allons écouter beaucoup de musique et où nous avons aussi l'habitude de recevoir des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors on a commencé cette émission avec Joseph César, une personne qui est jamais venue dans l'émission, par contre qui est venue dans l'émission de Sébastien. Vous vous souvenez de Sébastien qui animait le samedi à midi, et je l'avais rencontré à cette occasion, et puis je l'ai vu aussi en concert, et là il vient de sortir un morceau. Il m'a contacté dernièrement pour me dire ça serait bien que tu le diffuses dans ton émission, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je le diffusais déjà depuis un mois. Donc The Pain of Love, c'était le morceau de Joseph César. Juste avant, c'était un groupe que j'aime beaucoup, et puis un morceau que j'aime beaucoup aussi. Ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je les ai déjà vus en concert plusieurs fois aussi. Il s'agit de Jartel avec Les Yeux Rouges. Et à l'instant, voilà, c'est des souvenirs. C'est un groupe qui existe depuis très longtemps. Moi, je l'ai connu, j'étais encore au lycée, pour vous dire. C'était le groupe Comintern Sect avec Que restera-t-il de toi. Et d'ailleurs, si on fait un petit peu le lien, le batteur des Comintern Sect, c'est aussi le batteur que vous entendez derrière, puisque c'est les Burning Head aussi. C'est notre ami Tom Hoy que j'avais connu justement au lycée à cette époque-là. Voilà, donc on est ensemble pour 3 heures et on va écouter plein de bonne musique. Et en plus, on a une invitée qui est là, c'est Élodie Chelot. Elle devait venir il y a quelque temps, mais tout avait été annulé, vous vous souvenez, avec le confinement, etc. Donc cette fois-ci, on recontacte les gens, ceux qui veulent venir, ils viennent. Et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui dans les studios. Donc on va découvrir tout sur son univers. Elle va nous faire aussi découvrir des chansons. Et on est ensemble donc jusqu'à 22h. On va continuer avec un groupe qui vient régulièrement vers Noël dans l'émission Mavrika. Cette année, bon, c'est pas encore prévu, mais on va sûrement les recevoir. Je sais qu'ils passent chez Francky aussi, donc ils peuvent pas être dans toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe La Jarry, et le morceau qu'on écoute un petit peu partout en ce moment, il s'appelle On n'a pas le choix. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Salut à tous, on est La Jarry. Et tu sais quoi, si on s'en faisait une petite pour Albino? On écoute notre nouveau single sur Arc-en-Ciel. On n'a pas le choix dans Mavrika. On n'a pas le choix. Allez Mavrika. On n'a pas le choix. Sauver la planète. Être à découvert. payer l'essence trop cher. On n'a pas le choix. Et rester solidaire. Se lever trop tôt. On n'a pas le choix. Pour aller au boulot. On n'a pas le choix. Se dire que tout va bien. On n'a pas le choix. Et prendre la vie comme elle vient. On n'a pas le choix. Avec On n'a pas le choix, un morceau qui rentre bien dans la tête des gens. Des fois, ça m'accompagne pendant toute la journée. Donc, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission numéro 489. J'ai vérifié, c'est bien la bonne, le bon numéro. J'espère qu'il portera chance à notre invité. Et nous allons le retrouver tout de suite, puisque c'est Élodie Chelot qui est là, présente. Tu peux parler ? Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va régler les micros en même temps, donc je crois que je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà, on est en direct live. Je crois que les musiciens savent compter jusqu'à 4, donc je peux te faire 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, très ouais, bien, c'est... voilà, ça passe très bien. Voilà. Voilà. Moi, je te donne la parole, et puis pendant cela, je vais réajuster un petit peu, mais voilà, on est pas mal, on t'entend bien. Et... Super. Donc, merci d'être venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Élodie. Merci à toi, surtout. C'est la première fois que tu viens. Oui. Donc, une première, ça peut vouloir dire que dans quelques temps, tu reviendras à nouveau, dès avec qu'il y aura plaisir. De l'actualité. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la Mavericas Family, comme on dit. Ah, ouais, super. Voilà, donc Élodie, on va parler de ton projet. Oui. Alors, comment il s'appelle ton projet ? Elle. E-L. E-L, pas compliqué. En fait, c'est le diminutif de mon prénom. Oui. Il y a ce côté un peu féminin aussi. En même temps, c'est assez rigolo d'être entouré aussi de trois hommes. Bon, bah voilà, quoi. D'accord. C'est une bonne équipe. Donc, trois hommes, ouais. Là, c'est, tu parles des musiciens, bien entendu. On hein. est d'accord. On est d'accord. Faut donc, préciser. Et tu vas nous les citer aussi, ça c'est important. Oui, parce que là, ils ne sont pas là ce soir. J'en ai un qui est malade. Et puis, ouais. Là, les deux autres sont au week-end ou en concert. Donc, bon, je pense à eux très fortement. Très bien. Bah, aujourd'hui, de toute façon, tu nous as amené des morceaux. Il y a plusieurs morceaux à écouter. Mm-hmm. On va un peu découvrir l'histoire de elle. Oui. E-L. Donc, c'est très simple. Moi, je me suis servi de l'affiche que tu m'avais envoyée pour faire l'affiche de l'émission de cette semaine. C'est parfait. Donc, c'est écrit dessus. E et L. Voilà, très bien. Donc, Élodie, ce projet, il existe depuis combien de temps ? Waouh, c'est tout récent, hein. C'est 2019 et les premiers concerts 2020. Donc, on est d'accord, ça tombe pile au moment où se passe le Covid. Ouais, c'est le mauvais moment pour tout le monde, je voilà, crois. Voilà, c'est ça. Et puis, on n'a pas baissé les bras, on a quand même répété, on a quand même créé, on a quand même joué jusqu'au mois de septembre. Et puis, il y a un petit programme qui se prépare pour 2022. Donc, d'accord. En espérant que ça s'arrange, parce que ouais, c'est ça. Je commence à voir aussi des choses. Je sais pas si autour de vous c'est pareil. Il y a plein de choses qui commençaient à s'ouvrir. On commence à voir les choses, et là on commence à refermer à nouveau, en disant c'est voilà, ça. Moi j'ai vu des choses qui étaient annulées. Je dis tiens, ça recommence. Hein. Donc ça nous fait un petit peu peur, ça aussi. Complètement. On a une bonne rentrée, parce que bon, forcément à côté de ce projet, je travaille toujours dans le milieu de la musique, mais dans l'enseignement. Et je dis waouh, ça a trop bien repris. On revoit les élèves. Faudrait pas que ça s'arrête, quoi. Ah oui, il faut pas. C'est-à-dire que c'est pas fini encore, mais bon, il va falloir qu'on commence à vivre quand même, hein, parce on va pas se renfermer. Et puis il y a bien un secteur qui a beaucoup souffert, c'est bien la culture. Hein. C'est la donc culture la musique en général, les concerts, simplement se retrouver, hein, ça devient tout compliqué. C'est pareil dans l'émission, pendant un certain temps, je pouvais même pas faire d'émission parce qu'il y avait le couvre-feu, donc je pouvais pas. Ou alors je venais et je dormais dans le studio. Discrètement. ou alors, si je dormais ici, c'était pas un souci. Ou alors, je faisais pas d'émission et j'ai pas pu faire d'émission pendant un certain temps. Et puis après, on a repris l'émission. Cette fois-ci, on commence à recevoir des invités. Donc, je remercie tous les invités qui sont venus précédemment dans les autres émissions. Et puis, il va en avoir beaucoup d'autres à partir de 2022, ça c'est certain. Donc aujourd'hui, c'est le 489e édition. Donc j'espère que ça te porte bonheur. C'est pas de souci, je prends. Voilà. Qu'on profite. Voilà. C'est vrai que c'est drôle, c'est ça, hein, parce que des fois, il y a des gens qui me disent voilà, on est venu dans ton émission, et ils me sortent le numéro. Je dis ah oui, je vais le retrouver très facilement, parce que comme tout est numéroté. Donc je le rejoue demain pour le loto, bien sûr. Je ressortirai ce chiffre, donc, séparément, bien sûr, mais ça passe. Voilà, on ne sait jamais. Hein, voilà. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est en tout cas beaucoup de bonheur à tous nos invités. Voilà, donc Élodie, comment vous est arrivée cette idée de créer un projet de chansons ? En fait, depuis quelques années, j'accompagnais moi des groupes en tant que ou deuxième voix au chœur. Et forcément, j'ai dit là, à un moment donné, il faut que je crée quelque chose, vraiment venant de moi. Quelque chose vraiment de complètement différent, avec vraiment mon style et ma personnalité. Et ça a mis du temps quand même. Hein. J'ai eu le temps d'avoir toutes ces expériences derrière. Et puis finalement, j'ai eu l'idée de créer ça, chanson française. J'ai dit, tiens, on part sur ça. Et puis après, il y a eu les connaissances du fait de certains groupes, de musiciens. Puis petit à petit, ça a été un musicien, puis deux, et puis trois. Et puis on forme le quartet. Le but, c'est d'avoir ce quartet. Après, tout dépend des lieux, des demandes. Et l'idée, c'était vraiment de partir à zéro, vraiment quelque chose qui me tienne à cœur, quoi. Même si je continue à côté d'autres projets musicaux, pour au contraire continuer cet apprentissage et toutes ces expériences, en fait, qui n'en finissent pas. Alors, tu viens déjà du milieu de la musique, donc tu es prof de musique, c'est ça ? C'est ça, en fait, prof de chant, prof de piano. Prof de chant et de piano. Exactement. D'accord. Et pour les petits, les musicales, en plus. D'accord. Très bien. Ça, c'est important, ça. Ouais, parce que c'est souvent avec des personnes comme toi que les gens, peut-être un jour, auront une vocation. Et ça sera peut-être les grands chanteurs de demain, quoi. Ben, on en croise, hein. Moi, je vois avec les élèves, pour certains, ils débutent, pour certains, c'est autre chose, un projet, on les coach. Il y a vraiment quelque chose de concret. Donc, c'est génial, quoi. Et il y a tous les âges. Mm-hmm. Bon, on prend. D'accord, super. Hein. Voilà. Et après, donc, le piano. Et après, aujourd'hui, donc, tu as commencé à nous le dire, c'est toi qui écris les chansons. Alors, ce qu'on va écouter... Non, en fait, non. C'est marrant parce que c'est avec une... C'est l'exception. Ouais, en fait, j'essaye d'avoir la plume. Et c'est pas facile. Autant la musique, ça commence à venir. Donc ça, c'est pareil. Je crois qu'il faut avoir la petite étincelle. Je crois qu'il y a vraiment le moment, pour n'importe quelle personne, ça vient très tardivement comme sur l'instant. C'est vraiment, ça dépend des individus. Et là, pour le début de ce projet, donc il y a Séverin Vallière qui compose, ainsi que Gaël Fradin, qui est de Sandillon. D'accord. Mais c'est pas très loin. Oui, c'est juste à côté d'Orléans. Juste à côté. Hein. Et donc, il y avait créé des poèmes, en fait, pour à l'époque, le projet que j'avais avec Duo Tamba. Et en fait, je suis restée en contact avec elle et les textes ont servi, d'autres textes plutôt ont servi pour ce projet-là. D'accord. Donc c'est cool. Donc voilà, et c'est vrai que ce qui est créé n'est jamais vraiment perdu, donc ils peuvent toujours être, on va pas dire recyclés, mais bon. Alors, c'est encore d'autres textes en fait, et puis sur d'autres musiques, donc ouais, non, c'est cool. Alors quelles sont les sources d'inspiration justement pour les paroles et la musique aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui inspirent la musique Pour les paroles, en fait, bon, déjà, c'est un texte qui est déjà créé. Donc, c'est pas quelque chose, un thème qu'on lui impose. C'est plutôt des textes qu'elle nous propose. Et à partir de là, on voit si les textes nous parlent après. Donc, ça peut être lié, enfin, différents cas de vie, on va dire. Et c'est vrai également aussi, je vais en parler, mais c'est vrai qu'on compose également, a créé aussi des textes pour ce projet. Ça peut pas très bien parler de voyage, d'amour. Voilà, c'est assez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est voyage, donc c'est assez marrant. On peut plus actuellement, donc profitons-en dans les chansons. Et ça repart un petit peu, mais bon, après il faut avoir le pass et tout ça, hein, donc c'est compliqué. Hein. On va les faire voyager en musique, en fait. Bah oui, c'est le but aussi de l'émission. Hein. C'est ça. C'est faire voyager les gens en musique avec. Exactement, exactement. Voilà. Et c'est important, quoi. Et je vois en musique, c'est un peu pareil. Il y a des influences forcément qui ressortent. Très souvent, on ressort des influences de M. Certains titres. D'accord. C'est marrant. On trouve un peu où est ce côté. Alors moi, il y a un peu tout. Ça peut être bossa, jazz, pop. Voilà, on essaye un peu de varier les styles. Et puis, ça va encore évoluer. Moi, je vois, je recherche, moi, du fait de partir sur de la compo, de créer les compos. Ouais, ça nous incite un peu à farfouiller en soi. Qu'est-ce qui peut ressortir? Moi, là, je repars sur un morceau de bossa. Donc c'est assez marrant, quoi. On retrouve des petites choses comme ça. Et là, bon, là, prochainement, on va se revoir pour pouvoir parler de ça, recréer encore, pour avoir d'autres. C'est vrai qu'on a très peu de titres. Bah, on est avec tout ça confiné et tout. Il y en a combien en tout? En tout, une bonne dizaine passées. Ah bah, quand même. Ouais. Voilà. Donc forcément, en concert, bah, on rajoute des petites reprises aussi pour le public aussi. Donc ça permet vraiment de. Quel style de reprise? Éclectique. On a la javanaise. Ouais, que j'aime beaucoup. Gainsbourg. Voilà. La vie en rose. Alors, celle-ci est assez marrant. Je la prends sur les deux versions, en français et en anglais. D'accord. On va avoir une chanson d'Ayo aussi, Down on My Knees, en anglais. D'accord. Ou Nature Boy. Voilà, ça. Alors, tu chantes en anglais et en français. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est quelque chose qui me suit bien aussi, parce que j'ai eu quelques années un duo folk, The Lady and the Lonely Guy, et on reprenait beaucoup de titres en anglais, quoi. Ah, c'est dommage, on n'a pas d'enregistrement, hein, il aurait fallu. Ah, j'aurais pu ramener Down on My Knees. Ah, dommage. C'est vrai que nous, on aime bien découvrir des choses différentes, et souvent, dans l'émission, je reçois des gens qui me parlent d'autres personnes, et ainsi de suite, et c'est comme ça aussi que des fois, on arrive à avoir des gens par connaissance qui arrivent à venir dans l'émission, voilà. Et tout à l'heure, tu nous as parlé aussi d'une personne qui s'appelle Loïc. Loïc, bien sûr. Je lui passe le petit coucou. On lui fait un petit coucou à Lolo. Donc, ça me fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on se voit pas. Et habituellement, on se voyait au concert. C'est vrai que les concerts, aujourd'hui, ils sont un petit peu rares. Les gens sont un petit peu frileux pour aller les voir. Et donc, on rencontre beaucoup moins de gens. Mais on est content de les retrouver. Ouais, c'est ça. Voilà. Même derrière un micro, on est ravis. C'est là, on est bien. Voilà. Bah, heureusement qu'il y a la radio. Parce que ça permet aux gens qui sont enfermés chez eux de c'est une fenêtre sur ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Et en plus, nous, ici, on est à Orléans, on reçoit des invités qui viennent de la région orléanaise, mais un peu plus loin. Toi, tu viens de quelle région? Alors moi, je viens du centre de la France, plus sur Châteauroux, en fait. D'accord. Ouais. Et forcément, ma vie se partage entre l'Indre, la Haute-Vienne, du fait déjà par le travail. Donc, je voyage beaucoup, en fait. D'accord, Châteauroux, ça fait à peu près une petite heure, une heure et demie, Même un peu plus, vois large. Ouais, en fonction de beaucoup de choses. Mais non, ça se fait bien, en fait. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Je crois que les collègues vont le savoir, tout ça. Je crois qu'on y préfère des kilomètres pour jouer déjà en concert. Enfin, c'est quand c'est une passion, je crois qu'on ne compte pas les kilomètres, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir parce que effectivement ici on est au centre de la France, on a cette chance là et on a beaucoup de gens qui viennent d'Orléans, donc Châteauroux, il y a beaucoup de gens qui viennent de Gien, de Bourges, de Tours, de Blois. Et voilà, c'est à peu près ça. Et après, on s'aperçoit qu'il y a aussi des gens qui font l'effort de venir de Paris. Assez régulièrement, oui, on a des artistes qui viennent de Paris. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Joseph César. Lui, il est dans la région parisienne. Dernièrement, on devait recevoir, mais on l'a pas reçu. Il est déjà venu trois fois, mais il est pas venu la quatrième fois. C'est Hervé Desroffes qui vient de Brest, lui, carrément. Lui, une fois, il s'est venu avec sa Twingo, avec son piano. Il était venu jusqu'ici pour nous faire des lives en direct. Et puis aussi, on a eu quelques personnes qui sont venues de l'étranger, carrément, de Belgique, etc. Donc, voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est un petit peu tourné vers Châteauroux. Oui, c'est ça. Donc, un petit coucou Castelroussin, bien sûr. D'accord. Ah, je savais pas que ça se disait comme ça. Ça se dit comme ça, oui. Voilà, maintenant, j'apprends des choses dans l'émission. Voilà. C'est ce que j'aime aussi. Voilà, très bien. Ben, on a pas mal discuté déjà. Ouais. On va écouter un petit peu de musique. Ça marche. Alors, je propose qu'on écoute un morceau de quelqu'un qui nous écoute déjà. C'est y a une personne qui j'ai vu tout à l'heure qui nous a envoyé un petit message. Ah. Et puis, donc, je on veut tout savoir. C'est Monsieur Alex. Donc, Monsieur Alex, c'est le groupe Skawax. Ok. Donc, on va écouter un petit morceau de Skawax. Ouais. Et juste après, on écoutera un de tes morceaux. Ça marche. Et après, tu nous présenteras. Et puis, on va continuer à découvrir ton travail. On va faire comme ça. Voilà, on écoute donc un morceau de Skawax, qui n'est pas un morceau d'eux, puisque c'est une reprise. Ils reprennent dans cette compile qui nous a été présentée il y a quelques semaines par Christophe et Philippe d'Ibébert. Voilà, c'était la compilation Roxette. Et dans cette compilation, des groupes de la région blésoise reprennent des morceaux d'autres groupes qui sont eux-mêmes dans la compilation. Et cette fois-ci, donc, c'est le groupe Skawax qui reprend un morceau, mais je ne sais pas de qui. Donc, je vais me renseigner. Je vous le dis juste après. C'est parti, on fait comme ça. Pour lui acheter un bonbon, c'est pas une chanson sur le dicain, mais la maman qui fait de son fils un type bien. C'est pas une chanson sur la mère poule qui vous protège de tout ce qui sort du nid, plutôt une chanson sur la louve. Si tu te caches, t'enfuis, elle te jette au cœur des ennuis. La maman que je chante ne cuisine pas des gâteaux, mais elle nourrit le carnivore au berceau. Je ne parle pas du type Meryl Streep, frère. Ma mère ressemblerait plutôt à Sigourney Weaver. Si le fond, elle vous corrige avec une poêle. Elle n'est jamais maltraitée par un vandal. Son loup plus net auprès des enfants qu'elle protège. Si quelqu'un déraille sur qu'il tomberait dans un piège. We'll be right back. turn the air, quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. Green seagull turn a motherfucking deep up. Who I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love is love with me before the morning comes. Pourrait avoir un ticket pour me payer la cabelle. Voilà, on est à l'antenne à nouveau. Effectivement, on a écouté trois morceaux à la suite. Hein. C'était pas prévu, hein, mais bon, on l'a fait comme ça parce que bon, le temps de préparer tout ça. Donc, on a écouté Skawak avec un morceau donc qui s'appelle Motherhood Syndicate, qui est une reprise du groupe Mess. Voilà, j'ai retrouvé tout ça. Juste après, c'était Dirty Charlie avec Painted Black. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une petite faute sur le Facebook, mais je le rectifierai tout à l'heure. Vous avez sur le mur de la page Albino Mavrica, donc sur Facebook, vous avez la liste de tous les morceaux qu'on va vous passer dans l'émission, hein, comme on le fait habituellement. Donc c'est des Paint It Black, et c'est une reprise d'un groupe qui s'appelle les Bowling Stones, je crois, un truc comme ça, un groupe qui est pas connu, on sait pas s'ils vont percer. Voilà, ce fameux titre des années fin des années 60, hein, je dirais à peu près. Donc voilà, et c'était Dirty Charlie, donc pour Fred qui nous envoie un petit message tout à l'heure et qui est passé chez nous pour représenter le groupe Dirty Charlie avec George. Voilà, les photos sont sur le Facebook aussi. Et juste après, c'était L-E-L avec avec un morceau qui s'appelle L, mais cette fois-ci c'est E, deux L, E. C'est voilà. Pas compliqué, hein. On a juste rajouté non, le L mais, et le E. Mais à la radio, il faut quand même le dire. Parce c'est que, vrai, non. Parce que effectivement, sinon, c'est L et L, mais bon. Et c'est la voix d'Élodie Chelot qui est notre invitée ce soir. Et là, je pense qu'on m'entend mieux normalement. Ouais, j'ai fini à fond. Hein. Voilà, effectivement, tout à l'heure, on avait tous les potentiomètres à fond, mais tu as une voix qui est assez faible. Et puis, peut-être que tu es loin aussi. Loin et aussi. Et pourtant, quand ouais. tu chantes, ça envoie bien, quoi. Je cache bien mon jeu, alors. C'est entre le moment où on parle et où on chante, c'est pas pareil. C'est différent, oui. Voilà, très bien. Et puis on remercie aussi Florent qui enregistre l'émission, qui postera le podcast hein, pour tous les gens qui n'ont pas pu écouter l'émission. Ils pourront l'écouter prochainement hein, quand ils auront la disponibilité. On le mettra sur le Facebook aussi de l'émission Mavrica, donc le podcast de l'émission numéro 489 avec Élodie Chelot. Voilà, on a tout dit. C'est parti. Tu veux nous parler un petit peu du morceau, alors elle. Ouais, elle, premier morceau du projet. D'accord. Ça, c'est bien. Ben, voilà. En plus, ça correspond. Ça correspond bien. Elle. Voilà. Ça correspond bien même à la fille, en fait. D'accord. Un peu voyageuse, curieuse, rêveuse, puis qui aime chanter, ouais, toute la journée, n'importe où, dans une voiture. Donc, c'est marrant. Je fais un petit clin d'œil aux élèves. Et moi, je chante partout. Donc, mais ouais, non, mais c'est ça, mais je le fais aussi. Donc, c'est cool. Et puis, ouais, premier titre. C'est vrai qui m'a donné ça. Là, par contre, c'est musique et texte. Donc c'est Brin Vallière qui m'a donné ça. Je fais waouh. Bah vas-y, guitare voix. En une matinée, c'était ok quoi. D'accord. Bah quand il y a l'inspiration, quand c'est il y a ça. Quand ça passe bien, il y a l'énergie, tout ça. Ouais. Hop, hop. Et le super morceau. Hein. C'est vrai que moi j'adore en tout cas. Voilà. Et celui-ci, bah ça serait un qu'on aimerait inclure dans prochaine EP. C'est là qu'arrive le programme 2022 en fait. D'accord. Bah justement, j'allais te poser des questions sur les projets. Alors justement, on va aller un petit peu plus vite. Alors on va tourner un petit peu dans le désordre parce que d'habitude j'essaie de garder un certain ordre dans les questions. Je te suis. Mais là cette fois-ci, on va parler un petit peu des projets puisque de toute façon là c'était un petit peu bloqué avec le Covid, avec tous ces trucs là. Mmh. Donc le groupe existe quand même. Hein, donc oui. Vous avez travaillé, vous avez sorti quand même des bons morceaux. Ouais. Alors les morceaux pour l'instant. On peut les retrouver où? Alors moi, SoundCloud. Je disais. Voilà. La chance. Sur la page SoundCloud, en fait, on a déjà une page Facebook et j'avais mis le lien en fait dessus qu'on peut donc aller directement sur le site quoi. Et il y a 4 titres pour le moment. Il y en aura beaucoup un peu plus sur l'EP, mais bon, c'est un petit avant, une mise en bouche, j'appellerais en fait ça. C'est pour ça. En gros, je suis partie sur l'EP pour une mise en bouche, pas tout de suite sur un album. Et pourtant, c'était en discussion hein, quand même. Hein. Album, EP, ouais, mais un album. On commence depuis peu, faut des dates, voilà, avec tout ce qui se passe et tout. On va commencer petit. Je préfère commencer petit et puis proposer, voilà, lors de concerts, voilà, tout, même tout naturellement comme ça autour de soi, mais commencer petit. D'accord. Donc le projet est déjà voilà, ce sera un EP. Pour commencer. Ouais, un EP avec combien de morceaux dedans? Je pensais 6 titres. 6. Voilà, 6 titres, peut-être 7, on verra, en fonction de. Parce que voici une grosse communication aussi entre nous. C'est déjà presque un album, hein. 7 titres, c'est pas mal. Pour un EP. Je pense 6 titres, je pense que c'est déjà pas mal. Donc c'est toujours en discussion. Et ça, c'est ce que je voulais aussi dans ce projet. Je voulais pas être le ou la chef, on va dire, sur ce truc-là. Je voulais vraiment une communication, une très bonne osmose aussi entre nous. C'était le plus important pour moi, en fait. Complètement. Mmh. Et ça, donc pour l'EP, en fait partie. D'accord. Déjà. Donc un EP, est-ce que tu as déjà tous les morceaux pour ce EP? Ouais. Donc les 6, ils sont déjà, peut-être le 7e alors? Peut-être. Peut-être le bonus. Ok, donc ça c'est déjà décidé. Ouais. Vous avez déjà trouvé un studio pour enregistrer? Ouais. En fait, on enregistrerait chez Marc Plaisant, donc qui est le guitariste, le 4e membre du groupe. Et on est en train de voir, peut-être à partir du printemps, je pense, laisser passer un peu avec tout ça la rentrée de janvier. Et au printemps, à la cool, comme je dis, vraiment. Sans prise de tête. Alors vous allez le faire, vous avez le temps, puisque le studio c'est un des membres qui l'a. Voilà. Vous avez le temps, c'est pas comme quand vous allez louer un studio professionnel, vous avez c'est quelques heures pour le faire, exactement. Le stress, tout ça. Là, à la limite, un jour ça va pas, hop, bon, c'est pas grave, on fait autre chose et on remet ça le lendemain. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas évident à vouloir enregistrer à tout prix. Pas évident, on speed, c'est pas un milieu qu'on connaît. Bon, là, on sait qu'on a déjà répété là-bas, on se connaît bien, donc c'est cool quoi. Bah voilà, super. Donc le EP, il va être pressé après? Ouais, bah comme on va faire les choses bien jusqu'au bout. Quoi. D'accord. Donc, ça va peut-être mettre un peu de temps. On verra. On verra aussi en fonction de toute l'équipe. Mais voilà, je voulais quelque chose de top, quoi. Vraiment qu'on revienne pas dessus, qu'on présente quelque chose de propre en fait, tout simplement. Ouais. Très bien, donc un enregistrement très prochainement. Ouais. Est-ce qu'il y aura aussi des concerts? Parce que ça, je pense que ça va aller de pair après. Et ouais, alors là, je suis en plein dans les démarches. Et puis, je vois sur Facebook annulé. Que ce soit les petits, les grands. Ok, alors on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je suis vraiment dans les démarches. Et c'est pas forcément évident. Il faut lancer, relancer. Donc donc s'il y a des personnes, forcément soit organisateurs ou autres, je suis preneuse au contraire de rentrer en contact avec eux. Donc si carrément. Si des gens nous écoutent, des fois il y a des choses comme ça qui se font, grâce à l'émission Mavrika et des rencontres qui sont faites, des nouveaux projets, ça des nouvelles contributions, ça c'est ouais. Alors, si jamais vous voulez recevoir des artistes ou organiser même des concerts ou tout ça, vous pouvez contacter Elodie. Tout simplement, sur Facebook. Ou directement sur la page de Elle, donc c'est Elle officielle. Et pas hésiter, et quitte à donner les coordonnées, même s'il y a besoin, mais au contraire, ça fait du bien. On a besoin de ce contact aussi, quoi. Mmh. Et je pense que les organisateurs, tout ça, que ce soit bar, resto ou tout autre, ont besoin aussi de ça. On a manqué de tout ça, d'un côté comme de l'autre, en fait. Il y en a qui font beaucoup d'efforts pour continuer évident, à le faire. Hein. Ouais, et c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, voilà. Et après, c'est pareil, les grandes salles, tout ça, c'est un peu compliqué. Alors peut-être justement se rabattre aussi sur des petits endroits bien sympathiques où les gens sont très, très proches, hein. Voilà. Moi, j'aime bien aussi le petit côté intimiste. Et j'ai même pensé au home concert. Qui se fait pas mal chez l'habitant. Oui. Et ça, c'est pareil, s'il y a des auditeurs qui sont prêts à organiser un concert chez eux, pareil, grand plaisir. D'accord. C'est vrai que beaucoup de personnes m'en ont déjà parlé. Il y a Youss, entre autres, il y a Sadou aussi qui nous a parlé. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que les gens, vous mettez à plusieurs et vous avez, par exemple, une personne qui a une maison ou un jardin, par exemple, quand il fait beau, parce que en ce moment, il faut mieux être à l'intérieur. Je confirme, là. Il vaut mieux une grande maison, quand même. et puis, on invite plein de gens, et puis tous les gens ensemble, on invite des musiciens qui animent la soirée, puis on passe un bon moment, un concert à la maison. C'est formidable. Et c'est complètement intimiste, et là, on est vraiment très proche, forcément, proche du public, il y a une communication aussi, un échange, c'est génial, quoi. Mmh. Et ça reste impressionnant aussi, quoi. vraiment. Ah oui, ah, moi j'adore. Je pense. Parce que dans une grande salle, à la limite, on m'a déjà parlé de ça, on m'a dit une grande salle où il y a beaucoup de monde, ouais. Mais on les voit moins, il y a les éclairages, et on voit une salle, on voit un public, alors que là, on voit les gens dans les yeux, quoi. Ils sont juste à côté de nous. On va donner tout. Ouais, mais bon. Ah, moi je sais que j'ai déjà assisté à des concerts comme ça où on était très peu nombreux, et par contre, il y avait une magie. Hein, parce C'est fantastique. Et c'est pas la même écoute, hein, forcément, quoi. Non, clairement, quoi. C'est un bonheur. Et nous, on prend énormément plaisir, quoi. Donc, on le sent. Voilà. Donc, si vous voulez organiser ce genre de concert à la maison, bah, vous pouvez donc contacter Élodie. N'hésitez pas. Voilà. Alors, on parle souvent dans les projets d'enregistrement, de concerts. Donc, pour l'instant, des dates, il y en a. Les dates, pour le moment, bah, là, c'est au mois de septembre. Donc, là, c'est en plein dans les démarches. Démarches à droite, à gauche. Autour de forcément de l'Indre, clairement, jusqu'à Orléans, voire Paris s'il y a besoin. Quoi. Moi, j'aime bouger. Je sais qu'eux, ils seraient partants. Moi, j'ai aussi eu l'idée également, avec tout ce qui se passe actuellement, de proposer le projet aussi en duo. Parce qu'on avait fait un concert tous les deux avec Séverin, guitare-voix. Ça se fait très bien. C'est complètement différent. Bon, mais ça se fait. Duo, trio, quartet. Voilà. On a adapté cette formule-là aussi, quoi. On peut avoir des lieux, on parlait de lieux intimistes, des petits lieux aussi, en fonction de la place, en fonction du budget, en fonction de plein de choses. Et je me dis, autant proposer aussi ces trois formules-là aussi, quoi, en plus. D'accord. Ensuite, dans les autres projets, projet effectivement d'un clip. Ah, voilà. Souvent, c'est la troisième chose qui arrive. Donc, voilà. Bon, c'est quoi qu'il arrive, cette histoire de clip, quand même. Vous avez commencé déjà à réfléchir, vous avez déjà choisi la chanson pour le clip ou... Alors, c'est clip, mais en fait, c'est teaser. Ça va représenter des petits bouts de morceaux. D'accord. En fait, dans ma tête, ça fuse beaucoup, quoi. En fait, là, même que le pays est pas fait, j'ai déjà le packaging, en fait, dans la tête. C'est assez marrant. Je leur dis pas forcément, mais en fait, ça fuse beaucoup, quoi. Ils sont pas au courant. Ils vont l'apprendre en écoutant la radio. Vous m'entendez bien, cool. Ben voilà, je vous apprends ça, que j'ai pas mal d'idées dans la tête concernant le pays. Donc, je vous partagerai ça prochainement. Donc, la pochette, tout ça, c'est déjà dans ta tête. Ouais. Le titre également aussi, donc il y aura pas que elle. Dessus, forcément. Donc, sous-titre, on va dire ça un peu. Et concernant le clip, non, j'avais plus pensé sur un teaser en proposant forcément des petits bouts des six titres avec au bout de trois titres, une interview, comme si on s'interviewait. C'était un peu l'idée que j'avais. Comment est née elle, comment ça s'est passé. Pourquoi pas même des petits bouts de la vie des musiciens aussi, quoi. Donc, ouais, c'est un peu ce projet que j'ai. Après, le lieu. J'ai quelques lieux en tête qui sont dans la Creuse, en fait. Donc là, je fais un coucou aux Creusois. J'y ai vécu quelques années là-bas. Et qui est une très belle région aussi. Et là, c'est en fait gros, même à noter, quoi. C'est idée de titre, d'interview, de montage, de lieu. Ouais, c'est très long à préparer, en fait, quoi. Donc là, je pense que ça viendra peut-être après l'EP. On va voir ça. Ouais. Pour la pochette, tu nous avais commencé à nous parler. La pochette, tu la vois déjà. Comment ça sera, une photo, une illustration Alors, je vais marier ma deuxième passion, qui est la photo, en fait. Et j'aime tout ce qui est ce qui touche à l'art en général, que ce soit tableau, photo. Je pense que tous les gens, ils ont une sensibilité, hein, aussi bien pour. D'ailleurs, j'ai une question que je pose assez régulièrement, parce que je sais que les musiciens sont là, mais je leur demande quelles sont les deux couleurs qui illustreraient le mieux leur univers. Donc c'est la question que je vais te poser maintenant. Donc des couleurs, des vraies couleurs, hein. T'en veux deux ? Ouais, deux. Ouais. Ok, je te dirais le jaune. Le jaune. Quelque chose pour moi, si je veux analyser le jaune, c'est quelque chose de très lumineux. C'est le soleil, c'est la chaleur, et c'est ce que j'avais utilisé au début d'ailleurs pour ce projet. Et le bleu aussi. Alors le bleu parce que c'est ma couleur préférée, quoi. Tout simplement. Le ciel, je crois que ça a trait à ça, en fait. Ouais. Des souvenirs d'enfance, peut-être, je sais pas. Mais ouais, non, c'est le bleu et le jaune, ouais. C'est très bien. Donc voilà, il y a bien des images la musique peut influencer. Et puis inversement, je sais qu'il y a des peintres qui peignent en musique, et il y a aussi des musiciens qui ont des idées en regardant une œuvre, quoi. Ouais, tout donc, simplement. Ça peut être une sculpture, ouais. une peinture et tout ça. Donc, je crois que ça se complète. Hein, c'est exactement. Voilà, ouais, même ouais. si même si certains sont vraiment musiciens, d'autres sont vraiment peintres, etc. ou photographes. Ils sont fermés. Et ben, il y a quand même des petits trucs qui interagissent, hein, entre les deux. Non, c'est marrant, ouais, cette question. Et puis la peinture, ben ça rejoint aussi avec la photo, quoi. Je n'ai pas la chance de pouvoir dessiner, donc j'ai transmis un peu ça en photo. Ouais, ça c'est et j'aimerais bien, ouais, avoir cette petite chose, ouais, sur le packaging. Je suis très Polaroid, un peu ce côté vintage. Mmh. Ouais, c'est côté, ouais, ça c'est, j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas, ouais, c'est des idées un peu fouillis, mais je vois à peu près, je mets les cartes un peu dans l'ordre. Ouais, c'est et toujours être un peu au voyage ou à des moments de la vie, en fait, tout simplement, quoi. D'accord. Les photos sur l'affiche, c'est qui les a prises? Alors les photos sur l'affiche, alors Vu que c'était du noir et blanc aussi. Alors ouais, pour le noir et blanc, ouais. Ouais, là j'ai voulu que ce soit tout en noir et blanc. Bah sinon non, c'est la plupart c'est eux qui m'ont passé leurs photos et donc là après c'est divers photographes. D'accord. Donc voilà. Par contre ça se marie bien, donc c'est pour ça que j'ai posé la question pour savoir si vraiment c'était le même photographe ou pas, quoi. Non, je crois qu'apparemment ils se connaissent pas, mais ils sont ouais comme si se connaissaient bien en fait. Ouais, ça c'est marrant, quoi. D'accord. Et non, non, ouais, c'est vraiment un mélange de divers photographes, dont une personne, enfin, pour ma photo, c'est une amie qui est sur Tournoisy, donc qui est pas très loin, quoi. Donc ouais, c'était encore sur l'été, donc ça va, il fait encore beau. Très bien. Donc l'affiche, elle est sur le Facebook de l'émission Mavrika, vous pouvez aller la voir. Et puis donc les pages où on peut te retrouver, c'est Élodie Cheleux sur Facebook. Il y a ma page effectivement. E-L. Voilà, page E-L. Personnelle ou alors la page directement de elle. Donc ça va être sur elle officielle parce que forcément le nom était déjà pris. Et après, il y a tous les liens, enfin le lien SoundCloud qui est dessus. Donc il y a déjà des gens qui ont copié sur vous. Ouais, c'est pas juste. Ou alors c'est peut-être nous qui avons copié sur eux, quoi, en fait. Ou alors c'est une coïncidence, c'est comme ça. C'est pas évident. Mmh. Et puis non, sur YouTube, celle-ci, je la retravaille un peu. Je suis en train un peu de faire du ménage, quoi. Donc bah, pour pouvoir proposer aussi le prochain clip. Il y a déjà un teaser, mais bon, voilà, il faut dépoussiérer un peu tout ça. Tout a évolué aussi, quoi. Donc ouais, non, là je suis plutôt sur le SoundCloud et le Facebook, en fait. D'accord. Très bien. Donc, on voit, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui doivent se mettre en route. Beaucoup de travail aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a le travail à côté en plus, forcément, avec l'enseignement. Et je ne pensais pas que la rentrée aurait repris comme ça. Donc, ça fuse un peu partout, en fait. Ouais. Mais c'est bien aussi. On en avait besoin, quoi. Là, c'était une année, je n'ai pas tellement arrêté tant que ça, mais j'ai eu une grosse coupure à côté de Châteauroux où je n'ai pas pu voir les élèves pendant pratiquement un an, quoi. Donc, ouais, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre, effectivement. Ouais, voilà. Et après, on reste un peu à la maison, et puis on sort moins, et puis après, on a du mal. Il y a eu un changement de rythme assez brutal, quand même. Complètement. On vient. La population. Ouais. Pantouflard. Donc voilà, il faut un petit peu ressortir un petit peu. Ouais. Là, c'est l'hiver, bon, à la limite, ça s'excuse un petit peu, oui. Mais dès qu'il y aura le printemps, dès qu'il y aura le soleil, il faut aller au concert, il faut aller voir les gens. C'est important, ça. Mm-mm. On a besoin d'eux. On a besoin du public. On écoute un peu de musique. Ça marche, je te Parce suis. Que depuis tout à l'heure, on papote beaucoup, on a appris beaucoup de choses en même temps. Donc ça, c'est important. C'est un petit peu le but de l'émission. Et puis, on a écouté quelques morceaux. Et là, on va faire une nouvelle série à nouveau. Ouais. Donc on va écouter au moins deux morceaux, si on n'a pas un troisième qui se met entre les deux, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait parlé de notre ami Hervé Deroff, le fameux Brestois qui vient régulièrement dans l'émission, que je connais déjà depuis pas mal de temps et que j'apprécie énormément. Je propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle Un dernier pour la route. Hein. Ouais. Donc on va rester là, hein. Allez pas loin, vous éloignez pas, à moins que vous soyez en voiture. Et surtout si vous êtes en voiture, non, prenez pas un dernier avant de partir. Je parle d'un verre, hein, bien entendu. Donc un dernier pour la route. Et juste après, on écoutera un deuxième morceau de Elle. Ça marche. C'est parti. Avant que je bouffe la feuille, la jolie dame en noir me fait du grain. Belle à en mourir, sa main posée sur son flingue. La ville d'un western où j'ai roulé des mécaniques. Du salon dans salon, dame de cœur, race de pique. J'ai vécu au hasard de mes amours. menteur si je ne regrette pas le parfum de la poudre sur ma peau. Les calibres qui sifflent. Ma vie est un polar dont j'ai écrit le scénario. Le parfum de la peur, les nuits fragiles, les lendemains qui chantent, les deux pieds plantés dans le vide. Le bal touche à sa fin et moi j'ai fini ma chanson. Il n'y aura plus d'image, bientôt il n'y aura plus de son. La jolie dame en noir m'offre sa main. Je rêve d'un bateau qui voguerait sur l'eau pour seule destinée des contrées oubliées où le soleil couchant réchaufferait le vent en caressant la voile sous des nuées d'étoiles sur la coque amarrée des oiseaux colorés feraient de mes rêves un balai sans pareil de la selle légère. Ils frôleraient la mer sous le vent de leurs plumes, la mousse de l'écume, les cheveux emmêlés. Je marcherai du pied sur des plages désertes, là où nul ne s'arrête. Allongé sur le pont, sans le moindre plafond, je comblerai mes heures à goûter au bonheur. Je passerai le temps en vivant autrement. Mes souvenirs du large pour unique bagage, une étendue bleutée pour ligne d'horizon. J'aurai le ciel entier pour unique maison. Donc on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec, avec notre invité Élodie Chelot qu'on vient d'écouter à l'instant avec un morceau qui s'appelle « À ciel ouvert ». Bien vu. Voilà, c'est, en même temps c'est toi qui me l'a proposé de l'écouter. Voilà, on a plusieurs à découvrir. Juste avant on a écouté Hervé Deroff avec Un dernier pour la route, voilà, extrait de son dernier album. Et puis on va continuer à découvrir un petit peu l'univers de ELL. Donc ouais. Le projet d'Élodie et c'est trois musiciens, voilà. Vous êtes quatre en tout. Très bien. Donc, on a encore deux autres morceaux à écouter. C'est les morceaux qui sont enregistrés. Il n'y en a pas d'autres du tout pour l'instant. J'en ai un autre titre aussi qui est dans une poche. Non, je rigole en fait. Si j'avais un autre titre. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas là ce soir. Et puis, j'ai vraiment que ça à proposer en fait. Ouais. Je vais me faire fâcher. non, mais bon, de toute façon, on a d'autres artistes aussi qu'on a reçus il y a quelques temps et qu'on pourra aussi réécouter pendant toute l'émission. Et on a aussi plein de choses à découvrir encore. Hein. Bon, voilà. Ça marche. Donc, on a vu les projets, un EP en travail, en cours pour l'instant. Il y aura aussi des concerts qui vont reprendre dès que ça sera possible, donc à partir de 2022 plutôt. 22, je pense, à partir du printemps, comme c'est là, printemps-été. Printemps. Je vise plus sur printemps-été. Et un clip aussi, donc voilà. Beaucoup de projets, beaucoup de choses. Et puis des nouvelles compos, bien sûr, quoi. Continuer à développer tout ça, quoi. Donc pour l'instant, là, actuellement, donc vous pensez déjà à l'enregistrement, vous avez déjà les morceaux, vous continuez à composer, à écrire. Oui, on continue aussi. Ouais. Ben forcément, chacun aussi a son travail, forcément. Donc bon, on essaie de travailler à distance également. Donc non, ça va, c'est cool. C'est là qu'on partage aussi les idées, et ça, c'est bien les réseaux sociaux pour ça, en fait. De pouvoir partager, par le biais de Messenger, les idées, choses comme ça, ou les dates. La communication continue comme ça si on peut pas se voir, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on peut imaginer que, par exemple, si on avait passé un moment comme ça, sans les réseaux sociaux, sans la communication qu'on a aujourd'hui, ça serait encore plus compliqué, là. On serait carrément isolé, hein. Ouais, complètement, quoi. Et c'est vrai que, je pense, comme pour le travail, j'étais contre la visio. Ça, c'est assez marrant. J'étais pas trop, je préfère vraiment le vrai contact avec les élèves, quoi. Là, c'est un peu pareil, finalement, pour les concerts, hein. On avait fait un concert, là où je travaille, à Espace Agriculture de Déol. Et en duo, donc tous les deux avec Séverin. C'était au mois de mars et c'était chouette, mais c'était marrant, quoi, en fait, face à la caméra, pas de public. Ça fait drôle. Donc ça manquait un peu quand même. Mais moi je vois par exemple dans la région il y a des endroits qui habituellement recevaient des artistes avec du public et qui n'ont pas pu le faire et qui ont fait justement des concerts privés. Oui. C'est-à-dire que c'était ils étaient en confinement mais avec des musiciens, donc ils ont filmé et ça a été diffusé sur internet, donc les gens qui avaient l'habitude d'aller se retrouver justement à ces endroits-là n'ont pas pu le faire, donc ils ont pu le voir par l'intermédiaire d'un écran. Et puis voilà, c'est pas pareil, mais au moins ça a le mérite de ça accroche quelque chose aussi, quoi. Toujours ce contact. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement ces petits concerts qui ont été faits souvent ils étaient enregistrés, donc on peut les revoir quelques temps après. C'est ça. Donc voilà, c'est aussi la magie de la technologie. Donc ça, c'est bien. Et puis certains groupes aussi, je pense à la Jarry tout à l'heure, qui nous avaient fait un petit concert de leur studio à Orléans, mea culpa. Donc de là-bas, ils avaient fait un petit concert bien comme il faut. D'ailleurs, j'avais extrait des morceaux que j'avais diffusés juste après, donc avec leur permission, bien entendu. Ouais. Et voilà, c'est des morceaux qui sont exclusifs, qui ont été enregistrés comme ça. Dans cet instant bizarre, on va dire, de Covid, donc on retrouve des petites perles finalement, c'est des petits moments comme ça, quoi. Donc c'est cool. Voilà, donc chaque moment qu'on vit, on aimerait bien les conserver pour les revivre quelques temps après. Et puis grâce à des choses comme ça, comme l'émission ce soir qui sera enregistrée, ça nous permet de garder plein de choses. C'est ça, exactement. Voilà, donc on a parlé des projets, on a parlé aussi un petit peu de l'histoire. Alors comment vous êtes rencontrés déjà? On va revenir un petit peu à l'histoire du groupe. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait? Alors je vais commencer. Alors déjà, le tout premier que je connaissais, c'est Yatcha, donc qui est percussionniste. Donc on se connaissait déjà par un projet en commun. Donc à l'époque, on faisait partie du groupe Truman. Truman. Qui faisait partie donc sur Limoges. Ok. Donc, donc là c'est 2018 et on s'est connus donc début 2018 et par la suite c'était Séverin. Donc là Séverin, c'est par le biais d'un ami photographe, Jean-Claude, et m'a parlé très souvent de lui. Et c'est assez marrant parce que Séverin, moi je le croisais déjà à l'époque, j'avais peut-être un peu moins une vingtaine d'années, quoi. Et je le croisais déjà avec ces groupes, en fait. Donc c'était assez marrant, quoi. La vie, quand même, bien faite. Ça, c'est assez rigolo. Et il me parlait souvent de lui, tout ça. Et puis il m'avait filé son contact. Et puis, petite boule de neige, quoi, en fait. Hein. Et après, il y a eu donc Séverin, et après donc Marc. Donc là, Marc, beaucoup plus récent, au mois de mars. Parce qu'en fait, Séverin, il voulait se remettre à la basse. C'était juste ça, en fait. Donc, il voulait prêter sa guitare, c'est un peu ça. Ouais, voilà, je te laisse faire les parties guitare et je vais m'en mettre à la basse. Dans l'idée, c'était ça. Mais Marc Plaisant, ouais, non, je le connaissais déjà aussi avant. Et puis non, puis il a accepté aussi le projet, quoi. Donc c'est cool, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'équipe définitive ou peut-être ça reste ouvert à encore un autre musicien. Disons, moi j'aimerais bien, oui, que ça reste comme ça. Après, je sais que dans un groupe, ça peut bouger. C'est ça, en fait. Faut toujours anticiper ça aussi, quoi. Mais j'aimerais bien, ouais, que l'équipe reste comme ça, quoi. Ils s'entendent bien et une bonne, voilà, comme je disais tout à l'heure, une bonne osmose. Donc ouais, ça serait top que ça puisse continuer ainsi. Vaut mieux si en plus il y a ce programme-là pour la rentrée, enfin pour 2022. Non, ça serait bien que ça continue, quoi. Très bien. Donc une bonne entente. Vous êtes une bande de copains. Alors des fois, vous allez faire des répétitions. Les répétitions, c'est tous les combien à peu près? Et ben très souvent, au moment où les concerts sont là, donc on essaye de répéter un peu plus souvent. Bon là, forcément, c'est plus calme. On va essayer de reprendre ça à partir de janvier, en fait, là, avec les fêtes. Voilà, chacun aussi ont leur famille, des choses comme ça. Donc, ouais, il y a un moment donné, on fait une pause, on voit ça à partir de janvier, cool. Enfin, voilà, je veux pas que ça spinne non plus. Et puis, on reprendra à ce moment-là, ouais. C'est un travail, hein. Il y avait plein de choses à faire. Et puis, donc, après, mais bon, il y a aussi la passion qui emmène tout ça. Et quand vous avez un but vraiment, vous voulez le réaliser, finalement, le travail, on se rend même pas compte. On se rend pas compte. Ouais. Et puis, alors, ce qui est pas évident non plus. Voilà, c'est ça. Et puis, ce qui est pas évident, c'est les trajets aussi. Parce que j'en ai deux, qui sont sur Argenton-sur-Creuse et Châteauroux, donc sur l'Indre. Et, Yatcha et sur Vérac, à côté de Limoges. D'accord. Donc, on a Haute-Vienne et Indre. Donc ouais, ça fait une petite trotte aussi. Donc ça fait des kilomètres, voilà. du temps, tout ça, de l'organisation et tout ça. Ouais, c'est pas toujours évident. C'est pas évident, ça invite à, je sais pas, il y a peut-être 1h30, entre 1h30 de route, quoi, rien que l'aller. Donc ouais, les journées, il y a intérêt à les bien les organiser. Et puis une journée, ça passe super vite, quoi. Donc, et c'est arrivé qu'il y ait des journées où on répète. Et le soir même, Marc avait un concert le soir, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ça roule. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Et puis après, c'est pareil, il faut aussi penser à la vie. Donc, s'il y a un concert et tout ça, donc c'est pas toujours évident. Pas évident, c'est pas de concert ou cours aussi. Si Yatcha, c'est ça, il va avoir des cours plutôt sur des centres culturels. Donc les semaines sont très prises pour tout le monde, quoi. Après, il y a la vie de famille. Donc, faut prendre en compte tout ça aussi, quoi. Et après, je pense que tout est une question d'organisation. Il y a pas de souci. Et puis après, plus le groupe, plus les membres sont nombreux, et plus c'est ça. Plus c'est compliqué. Hein. Plus c'est compliqué. On est d'accord. Très bien. Donc voilà comment vous êtes rencontrés. Donc le groupe, on avait dit, il existe depuis 2019 à peu près. Hein. Ouais. On va dire que les concerts ont réellement commencé 2020. 2018, 2019, vraiment gros truc. On va dire 2018, c'était l'idée. 2019, c'était vraiment là où il y a eu les membres. Et 2020, ouais, concert, quoi. Ouais, c'est 2020. Donc au bon moment, quoi, bien sûr. D'accord, bah très bien. Mais on reste positive. Oui, parce que là maintenant, il faut trouver des dates et tout on essaie de repartir. Ouais. Bon, là, c'était pas vraiment le bon moment, mais justement, peut-être que les gens, ils auront plus envie après d'aller au concert et puis d'aller vous voir. Ouais, quand on en parle autour de soi, ben déjà avec les élèves et enfin les gens autour, ouais, on sent qu'il y a un manque. Il y a un manque, hein, complètement. Et ils ont besoin, quoi. Ils ont besoin des cours, ils ont besoin donc des concerts. Ouais, ils ont théâtre, musique, peu importe. Ils ont besoin, voilà. Très là bien. Où on les prive un peu. Mm-hmm. C'est bien dommage. On écoute encore un petit peu de musique. Vas-y. Parce que c'est quand même une émission musicale. Donc on écoute beaucoup de choses. Il y a peut-être parmi les artistes que j'ai diffusés, certains que tu connais ou de pas nom, du tout. Ouais. Si, de nom. Ouais. Lesquels tu te souviens exactement? Là, j'ai pas la liste. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de titres de passé. Si, je veux bien si tu me les affiches. C'est voilà. Cool. Skawax, oui, La Jarry. La Jarry aussi. Ouais. Mmh. Si, c'est de deux projets qui me parlent bien et non, après les autres, là, je découvre. Voilà, il y en a tellement. Je suis pour découvrir aussi. Cool. Moi, ça fait 11 ans qu'on fait cette émission et c'est vrai qu'on en découvre à chaque fois. Hein. À chaque fois, on s'est dit, tiens, on a fait le tour, mais finalement, ça évolue aussi. Depuis le début de l'émission, il y a beaucoup de groupes qui sont venus ici qui aujourd'hui n'existent plus. Ouais. Les membres aujourd'hui ont formé d'autres groupes et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Finalement, une fois qu'on a commencé dans la musique, je pense qu'on peut plus s'arrêter. C'est ça. Et c'est ce qu'on te parlait tout à l'heure pour le groupe, ou si ça resterait avec les mêmes membres. On ne sait pas comment il fait l'avenir. Ça peut bouger. Peut-être qu'un partirait sur un projet. Voilà. Et c'est pour ça que j'anticipe là-dessus aussi. On a d'autres projets. Chacun aussi a d'autres projets musicaux aussi. Il y a pas. Moi, je sais que je n'ai pas qu'elle. J'ai d'autres projets à côté, quoi. D'accord, tu pourras peut-être nous en parler aussi un petit avec peu plaisir. Tout à l'heure. Je propose qu'on écoute donc un petit peu de musique. Il y a quelques semaines, on a reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel un monsieur qui que je connaissais déjà depuis pas mal de temps, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Il s'agit de Bruno Bauer et on va écouter un petit morceau qui s'appelle « Est la joie ». Eh ben parfait. J'aime bien. Voilà, ouais, voilà. Il faut avoir ça la joie. Bien. Moi, j'aime bien quand c'est positif et ça donne la pêche en tout cas. Bruno Bauer avec « Est la joie ». Ferme les volets pour gagner mon palais. Je peux m'y engouffrer, être ce qui me plaît, au gré de mes pensées, sans peur des retombées. Tout y est merveilleux, tellement silencieux, qu'il m'arrive souvent d'y arrêter le temps. Durant des jours entiers, j'aime m'y attarder, afin de prolonger mes songes éveillés. Je vis alors sans crainte et par procuration, et toutes mes émotions sans aucune contrainte. Quand vient le crépuscule, je retrouve ma bulle et ferme les volets pour gagner mon palais. Je peux m'y engouffrer, être ce qui me plaît, au gré de mes pensées, sans peur des retombées. Ma bulle me protège des lendemains matins, quand blottis je m'allège des fardeaux quotidiens. Niché dans la pénombre, j'allume les étoiles pour que l'aube dévoile des matinées moins sombres. J'écris un scénario dont je suis l'héroïne. Sur le pont Mirabeau, ma vie, je rembobine. Quand vient le crépuscule, je retrouve ma bulle et ferme les volets pour gagner mon palais. Je peux m'y engouffrer, être ce qui me plaît, au gré de mes pensées, sans peur des retombées. Voilà, donc deux morceaux à la suite. On a d'abord écouté... On a écouté Bruno Bauer, voilà, avec Et la joie, parce que effectivement ça s'affiche sur mon lecteur. Et entre temps, j'ai recalé quelque chose dessus, donc je ne savais plus du tout. Mais heureusement, j'ai de la bonne mémoire. Et à l'instant, c'est le morceau que j'ai déjà diffusé la semaine dernière, si vous vous souvenez bien. Il s'agit de Elle avec Ma Bulle. Et nous avons ce soir Élodie Chelot qui est là pour nous parler des morceaux que nous écoutons. Donc ça, c'est le troisième morceau déjà du projet Elle. Tu veux nous en parler un petit peu de ce morceau-là, Ma Bulle ? Alors, Ma Bulle, c'est tiré donc d'un des poèmes de Gaël Fradin. D'accord. Voilà, mis en musique par Séverin. Et je dis, ouais, ça correspond bien, ce côté, ma bulle, en fait, se retrouver, quoi, en fait, son petit univers, ouais, c'est bien ça. Et ouais, c'est des thèmes forcément bien choisis. On se retrouve forcément, j'avais besoin de me retrouver dans ces thèmes aussi, parler un peu de moi, on va dire... ouvrir une porte, parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime parler de ma vie personnelle là-dessus, je suis d'accord, très discrète. Mais d'ici la fin de l'émission, on va tout savoir. Oh mince, vous avez peut-être des infos croustillantes, donc restez bien en direct. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure on était hors antenne, on discutait un petit peu et tu me disais, on est comme à la maison ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est vrai que c'est ce que me disent souvent les gens qui viennent ici, et c'est vrai qu'au bout d'un moment on oublie presque qu'on est à la radio et qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. On fait un petit coucou à tous les gens qui nous écoutent, et tous les gens qui nous ont envoyé un petit message, à Chris tout à l'heure qui a essayé d'appeler tout à l'heure, mais on a été un petit peu perturbé, donc bon, en tout cas je sais qu'ils nous écoutent à chaque fois, à chaque émission, et en plus à chaque fois il nous envoie des petits messages à la fois sur Facebook, il nous appelle aussi, donc Chris du groupe Prisma, on se calera un petit Prisma juste après, comme ça ça lui fera plaisir et ça nous fera plaisir aussi à nous, voilà. Et puis donc voilà, on a l'impression d'être à la maison en train de discuter, et alors qu'en vérité on est quand même dans une radio qui émet sur Orléans depuis c'est la fréquence la plus ancienne, et c'est sur la FM 96.2 MHz et aussi dans le monde entier grâce à radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Nickel. Bon, par contre, alors l'anglais peut aller. Après, sur d'autres langues, je vais avoir un peu plus de difficultés. J'espère que ce n'est pas une épreuve pour ce soir. J'ai pas révisé. D'accord. Non, parce qu'après, tu as dû te rendre compte juste avant d'arriver dans l'émission qu'il y avait de la musique portugaise dans cette radio-là. Donc, oui, l'émission juste avant. C'est vrai. Donc, Manuel qui anime son émission juste avant moi, qui envoie plein de bonnes musiques portugaises. C'est vrai que j'ai trouvé. Voilà, comme ça t'a fait découvrir quelque chose de différent. Ouais. Très bien. On avait parlé tout à l'heure d'artistes que tu connaissais, par exemple La Jarry, il y avait aussi Skawax. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu aimes dans la région ou d'ailleurs, hein, ça peut être des gens même connus mondialement, hein. Alors on va dire en ce moment, alors c'est marrant, on a des périodes d'écoute. Là actuellement, je suis branchée jazz. D'accord. Parce que voilà, c'est une recherche aussi un peu personnelle, du fait aussi d'un projet que j'ai aussi avec un pianiste, projet jazz qui s'appelle Jazz à l'âme. Et j'avais besoin aussi pour mon expérience personnelle de bosser l'impro vocale, tout simplement en fait. Et on parlait de Nature Boy ou des choses comme ça. Et je suis très à l'écoute ou de d'œuvres comme Chet Baker. Et j'en passe, et c'est déjà ne serait-ce que le calme que ça procure aussi, et toute cette technique qu'il peut y avoir, c'est juste extra, quoi. Donc je m'amuse des fois en écoutant des chanteuses jazz très connues, musiciens très connus, d'improviser sur leurs morceaux, quoi. Je m'amuse tout simplement, quoi, comme une gamine. Donc là, ouais, en ce moment c'est une période très jazz. J'ai une période aussi très folk. Ça peut être Laura Marling, Liza Hannigan, Handsome Family. J'essaie de très diversifier en fait les styles, et je peux passer en peu de temps, en quelques écoutes, à du rock, du folk, classique. Je peux écouter du Debussy. Enfin voilà, c'est très. On peut mettre du rap. Enfin voilà quoi. D'accord. Complètement. Non, alors est-ce que c'est fait, t'es vraiment ouverte à toutes les tendances, ouais. Toutes les musiques. Complètement. Moi je le dis souvent dans l'émission, je pense qu'une seule musique ça suffirait pas. Non. On est obligé on aime bien avoir de la musique qui envoie bien certains jours, d'autres jours plutôt de la musique calme. Ouais, c'est et ça. Voilà. Donc des fois on a envie de danser, donc la musique dansante aussi. Ouais. Et d'autres fois on n'a pas envie de bouger, donc peut-être la musique qui s'écoute tranquillement. C'est ça. Il y a des musiques pour chaque chose. Hein. Et je pense que c'est vraiment le caractère et l'humeur de chacun, quoi. Mmh. Moi, je me suis vue en journée, je me mettais du rock à fond, ça y allait. Et le soir, où je termine très tard, bon, allez, Chet Baker, j'en parlais, voilà, je mettais ça et je pouvais faire des kilomètres jusqu'à la maison, quoi. Mmh. Donc, ouais, c'est, on passe de ça à ça. Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans la tête, quoi. Et la voiture, finalement, c'est ton studio d'écoute, alors Ouais, beaucoup de kilomètres, en fait. C'est vrai qu'on pense pas à ça, mais finalement, dans la voiture, on écoute beaucoup de musique. Ouais. Heureusement qu'on a ça aussi. Parce que des fois, aujourd'hui, avec la vie de fou qu'on a, on a du mal à s'arrêter, oui, à écouter un disque, comme on le faisait avant. Un vinyle, on le pose sur la platine, on l'écoute. Aujourd'hui, ouais. Non, on fait beaucoup de streaming. Déjà, on écoute beaucoup de choses sur Internet. On n'écoute rien à fond. Non. On zappe de droite à gauche. On a l'arrière-plan. Ouais. Et c'est un petit peu dommage. Donc, des fois, il faut prendre le temps de s'asseoir sur un fauteuil et puis d'écouter de la bonne musique dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que la voiture nous permet justement de découvrir plein de choses différentes. Voilà. Complètement. Et c'est marrant parce que j'ai souvent des élèves. Oh, je chante à tue-tête dans la voiture, mais les gens doivent se moquer de moi. Je fais tellement de grimaces. Alors, ça me fait marrer parce que finalement, il faut sûrement en faire. Je m'en fous. Ouais, mais moi ça m'arrive aussi de voir des fois les gens qui chantent dans leur voiture. Et des fois même c'est marrant parce que des fois on écoute la radio et on dit tiens, écoute la même radio que moi. Donc, j'arrive à lire sur les lèvres. Non, parce qu'on se rend compte par rapport au rythme et tout ça. Donc non, c'est marrant. Il y a des gens que on est chez soi dans la voiture, on est un petit peu enfermé. Mais c'est notre petit truc. On a un petit instant si on peut se retrouver. Mais non, là-dessus j'en profite vraiment pour écouter plein de choses, quoi. Puis par le biais du travail, mais même dans les projets. Puis, vu qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il y a d'autres projets musicaux à côté de elle. Et là, c'est beaucoup de reprises. On parlait donc du duo Jazz à l'âme, où c'est répertoire jazz, bossa. Donc reprises forcément, donc là, il faut que je les bosse aussi. Et puis j'ai deux projets rock également. Donc on passe chansons françaises, ok, jazz, d'accord. Pop rock, ça va, Elodie, à part ça, t'es pas très. Ah ouais, t'étais à fond dans la musique, hein. Ouais, vraiment. Et j'ai même musique, eu un défi. Musique. Un défi avec une élève de reprendre un chant lyrique. C'est pour vous dire, enfin, voilà, c'est des délires qu'on a, et c'est chouette, quoi. Mais c'est ce qui fait aussi progresser quand on a envie d'essayer des choses. Bah finalement des fois on tente et puis on s'aperçoit que ça ouvre des nouvelles voies. Hein. Complètement. Je sais qu'ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il est difficile de jouer en électrique. Mm. Et des fois je reçois des groupes qui font de la musique amplifiée. Ouais. Et je leur dis voilà, dans le studio ça va être un peu compliqué, donc si vous pouviez Il dit, on a bossé nos morceaux pour les interpréter en acoustique, mais, ouais. mais c'est pas du tout notre truc, nous on sait pas du tout faire ça. Ça change totalement. Et quoi, justement, ils ont été obligés de bosser ça, ils les ont interprétés là, et puis quelques temps après, je me suis rendu compte qu'ils faisaient des concerts acoustiques dans les bars ou dans les endroits comme ça. Je me suis dit, finalement, ils sont venus dans l'émission, ils ont découvert quelque chose de différent. Voilà. C'est vrai que le côté acoustique par rapport à ce qui est amplifié, je dirais pas c'est mieux, je dirais pas que c'est moins bien, je dis que c'est différent. C'est différent. Et on redécouvre des morceaux. Tiens, je pensais à un morceau, par exemple, de AC/DC, repris en acoustique, ça n'a pas du tout la même chose. Ouais, mais pourtant, c'est bien aussi. Voilà. Donc, les interprétations, c'est ça. C'est important de les faire varier un petit peu et de s'accaparer un peu les chansons et les faire à sa sauce, quoi. Complètement, ben oui. Ça, j'aime bien. Parle de ça, tu me parles de l'acoustique, comme ça se fait beaucoup, c'est tendance, c'est les... Séverin, s'il écoute, ça serait détubisé. Il déteste quand j'utilise ce mot, détubisé. Quand on prend une chanson connue et qu'on le refait en version jazz manouche ou voix. Voilà, on change totalement le style. Ça se fait beaucoup en cover. Ah, c'est comme marrant. Ça que ça s'appelle. Ouais, je les détubise. Alors là, effectivement, il y a quelques temps, il y avait Dirty Charlie. Voilà, ils avaient fait une chanson ici. Ouais. D'ailleurs, j'ai le morceau. On se le passera tout à l'heure. Ah bah ouais, je veux bien. Ouais. Et après, derrière, il y avait dans la chanson, ils ont intégré la chanson de Thierry Hazard, Ma poupée psychédélique, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils l'ont mis dans les paroles, mais avec leur musique à eux. D'accord. Donc j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Et donc c'est ça, détubisé. Moi j'ai fait ça, détubisé. Alors il y en a, ça va écorcher les oreilles. Après, s'il y a d'autres mots que détubisé, allez-y, balancez-les, ça peut être marrant, quoi. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'on découvre beaucoup aussi sur Internet aujourd'hui, grâce à des sites comme YouTube, etc. On peut voir plein d'artistes qui font ça dans leur chambre. Et puis des fois, on a des sacrés claques parce qu'il y a des gens qui sont très très très forts. Et des fois, ils reprennent aussi des chansons vraiment d'une manière complète. Différent. Parce que c'est vrai que des fois on se dit bon, ce morceau-là il est très bien, il a été repris, bon, des fois il valait mieux le laisser comme il était. Pour certains on peut dire ça, mais pour certains autres on peut dire non, mais il apporte quelque chose. Et il est différent, moi j'aime bien justement qu'on apporte vraiment sa patte. Donc détubisé. Voilà le... Oh, je vais me faire tuer par ses bras, désolé, c'est bon, je vais l'utiliser. Très bien. Et tu vas souvent au concert voir des artistes, quoi, peut-être pas ces derniers mois, mais c'est quelque chose que tu aimes ou que j'aimerais un peu plus faire. Et ça fait un moment que j'ai pas fait. Je crois que mon dernier concert et ça a été un très chouette concert à mes yeux. Jan Tiersen. D'accord. Ça c'est un artiste que j'aime énormément. Et ça remonte, hein, quand je dis ça, c'était 2009. Donc j'étais très mauvaise élève. Ah, c'était pas avant le Covid alors. J'oubliais le 2019 peut-être. Non, 2009, c'était un des grands concerts, mais c'est vrai que non, je crois que c'est le fait aussi de, bon, il y a eu tout ce qui s'est passé et tout, ça m'a un peu coupé aussi, puis le fait du boulot. Fait que je bouge énormément, j'essaye, parce qu'on parlait d'écoute, de prendre le temps d'écouter un album à vinyle. Ouais, ça serait de prendre le temps que je m'écoute aussi, je puisse prendre le temps de penser à moi, et j'avais besoin de ça, avec tout ce qui s'est passé, de prendre un peu de temps pour moi aussi, quoi. Remise en question, quelquefois, ça fait du bien. Et les concerts, non, peut-être l'été dernier, j'ai dit des bêtises, mais c'était du côté de l'Auvergne. Il y avait des concerts dont j'avais profité pour y aller en 2020, Mais c'est artistes locaux, quoi. Et c'était sympa. Grands artistes, non, vraiment le dernier, c'était Jan Tiersen. Là-dessus, je suis assez difficile. Je suis un peu difficile. Puis, là-dessus, je suis pas. Je vais plutôt aller écouter. Ou aller voir sur internet, là-dessus, c'est marrant, Mais artistes locaux, je vais. Là, 2020, ça a été vraiment été 2020, puis après, c'était bizarre, trop compliqué, quoi. Et puis, de toute manière, c'était pas possible, quoi. Mais 2020, été 2020, ça a été ça. le dernier. D'accord, très bien. Donc, il faut aller voir aussi les artistes locaux. Et des fois, ouais, on a des très bonnes surprises. Moi, je sais que c'est un petit peu le c'est le fond de commerce de l'émission Mavrika, parce qu'on reçoit beaucoup d'artistes. Ouais, la plupart, ils sont c'est des amateurs. Il y a aussi, heureusement, des professionnels. On a parlé de Chari, des Bernillettes, tout ça. Des groupes qui sont venus aussi ici dans les studios. Certains sont semi, d'autres professionnels, et d'autres qui sont carrément amateurs. Et il y en a même certains qui jouent que pour eux. Oui. Donc, je les ai fait venir ici. Ils ont interprété des morceaux en direct. Ça fait plaisir. Ouais. Et donc, et c'est vrai que des fois, on a beaucoup d'émotions avec des artistes qui sont pas forcément connus, et on se dit finalement, on a besoin de rien d'autre. Ouais. Il y a tout. Des fois, des gens qui viennent avec une guitare et simplement, on dit, bah, l'émotion, elle est là, et ça passe super bien. Et bon, après, il y a aussi des professionnels avec. Il faut aller aussi au grand concert avec les grands sonos, avec les lumières, avec la mise en scène. Tout le système. Voilà, c'est ça. Il faut sortir et puis aller les voir, en tout cas sur scène, c'est très important. Non, puis c'est chouette. Puis là, bon, j'en ai profité où j'étais en vacances. Donc, forcément, on profite qu'il y a des soirées aussi en centre-ville. Donc, voilà, c'est là qu'ils proposaient pas mal de spectacles, musique, théâtre. Et non, c'était chouette, quoi, vraiment. Et après, voilà, ça a été, comment on dit, compliqué après, quoi. Ça nous a vraiment coupé l'herbe sous le pied, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et au moins que ça reparte, quoi. Et même pendant les concerts, on découvre nous-mêmes aussi, quand on fait des coplateaux, des artistes aussi, quoi. Donc c'est chouette. Donc c'est pour ça qu'on a. C'est souvent comme ça que ça se passe aussi. Ouais. Moi, quand je reçois des artistes ici, je leur demande de parler s'ils connaissent d'autres artistes, et ils nous parlent souvent de ceux croisés. Ceux qu'ils ont croisés sur la route, qui ont partagé des scènes avec eux, et puis des fois, ils se connaissaient pas forcément, et après on les voit, par exemple, il y en a comme ça qui marchent ensemble. On sait qu'il y a tel groupe qui va passer à tel endroit, il y a l'autre qui est aussi sur la même scène. C'est ça. Donc voilà, donc après ils se suivent et puis ils s'apprécient, ils deviennent des potes, quoi. C'est aussi grâce au concert qu'on découvre, c'est nos collègues en fait, en quelque sorte, quoi, qu'on découvre d'autres artistes, d'autres styles aussi. Puis il y a des choses qui se créent aussi. Il peut y avoir des projets aussi par la suite. On ne sait pas. Mais c'est chouette. Mais c'est vrai que souvent de fois, c'est quand on croise lors de concerts. S'il n'y a pas de concert, on ne peut plus se retrouver. Donc, on écoute la radio. Et grâce à la radio, justement, il y a quelques temps, on a reçu aussi Willy. Et puis, on m'avait dit, justement, avec d'autres musiciens qui avaient déjà des projets suite à mon émission. Voilà, donc comme ça, quoi, c'est chouette. C'est, voilà, c'est bien d'écouter l'émission Mavrika. C'est la trait d'union entre les artistes et les spectateurs, les auditeurs. Voilà, c'est important. Ouais. Et puis les artistes entre eux, parce que je me vantais quand même dans l'émission Mavrika d'avoir parmi les auditeurs beaucoup de musiciens, puisque voilà, ça parle d'eux. Donc, comme je disais, comme à la maison, donc une grande famille derrière, quoi. En fait, c'est chouette. Voilà, on écoute un petit peu de musique encore. Ouais. Alors, il y a quelques temps, j'ai reçu ici Polo Paletta, qui fait partie du groupe Angeville, et il nous avait apporté d'ailleurs son album du groupe Angeville, un groupe que j'aime beaucoup. Alors, ils sont deux, c'est un duo. D'accord. À chaque fois, c'est des très belles paroles, une très belle musique, et vraiment, on voit qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. J'en ai diffusé pas mal pendant quelques temps, et là, je propose d'écouter un morceau qui s'appelle Loveland Street, et après on écoutera, il y a encore un morceau à toi, on s'écoutera peut-être un Prisma aussi pour notre ami Christophe qui nous écoute et qui nous dit, alors il m'a dit t'inquiète pas parce que tout à l'heure j'ai pas réussi à l'avoir au téléphone, t'inquiète pas, je suis à l'écoute, très belle voix Elodie. Ah super, voilà. Merci. Comme quoi, et voilà, les trucs passent, je suis sûr que ça se trouve, il te connaissait pas du tout et à la fin de l'émission il va connaître un petit peu de ton univers, voilà, c'est le but de l'émission. On écoute Angeville avec Loveland Street. Comme une promesse d'enfant.

ça n'est pas tout. Et oui, nous sommes revenus après une bonne séance de musculation. Avec beaucoup d'abdominaux. Écoutez comment ça fait. Vous êtes prêts à chanter? Wow! Beau gosse, le cœur, c'est beau gosse. Mais Julien aussi, ainsi qu'Alexis et Adrien. Et oui, big up les règles. Alexis et Adrien. Toute la journée au télé. Ça se termine. Elle se dit qu'avec son tour de poitrine, elle est du genre de Hollywood. Elle pourrait poser dans les magazines. Et ouais, ouais, comme Olivia Newton-John. Quand Joséphine sort du bureau, tu dirais qu'elle court chez sa cousine Berthe. En s'enlèvant au cœur à gogo pour aller danser le jet. Et je changerai en servant chacun des prétendants. Je n'usais plus de charme et de muscles uniquement. Je te prendrai de force version Alexandre le Grand. Sans la idée et mon amour, mais il va chevauchant. Je serai toi ton empereur, ton conquet. Pour le coup, 3-7-3-7, tout est pervers. Pour aller danser le jet. On en avait parlé tout à l'heure, justement, c'était lors de leur passage dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, les Dirty Charlie avec un morceau qui s'appelle Fourbe, et dans laquelle ils reprennent cette fameuse chanson de Terry Hazard que tout le monde a reconnue, bien entendu. Ça, c'est une chanson qu'on chante souvent en karaoké, donc forcément, les gens les connaissent très bien. Ah ouais, ça ressort à tous les coups, quoi. On l'a fait n'importe quel, comme là. Ça, moi-même, je chantais par-dessus, quoi. Oui, c'est vrai que je te voyais de l'autre côté de la vitre. Voilà, donc notre invité de cette émission numéro 489, Elodie Attends, on se Chelot, voilà. Elodie Chelot, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, bon, ça, c'est pas sorti comme je voulais. Voilà, donc pour le projet L. Ça, je l'ai bien dit. T'as vu ça un peu, yes. Super. Donc, tu nous avais parlé tout à l'heure de tes différents projets, ouais. Tu écoutes plein de musiques différentes, il y a plein de choses qui t'ont... Mais comment tu es venu à la musique quand tu étais enfant? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais depuis le départ ou tu as appris à l'aimer ou... C'est venu de bonheur déjà, ouais. Aussi. Je pense qu'il doit y avoir une sensibilité au départ pour... Je pense, ouais, il y a le peut-être sensibilité, oui. Après, quand on est enfant, on le ressent pas trop. C'est bien après, avec le vécu, je pense aussi, avec les expériences de la vie. Après, non, c'est le fait aussi que je suis dans une famille de musiciens. D'accord. Donc, donc ça aide. Ça aide un peu. Et puis forcément, le piano a débuté. Ouais, c'est pas le chant, c'est le piano avant tout, en fait. D'accord. À 6 ans et demi. J'aime bien dire 6 ans et demi parce qu'ils aiment bien dire les demi, les petits. Donc je garde le 6 ans et demi. Et le chant est venu un petit peu après, timidement. Et je pense vraiment que la scène, j'ai eu la chance déjà d'avoir ma maman qui m'a poussée par le biais de concours de chant. sur le coin où je vivais sur l'Indre. Et mon ancien prof de musique au collège, ouais, qui m'a donné cette chance de pouvoir chanter lors de concerts de fin d'année. C'est assez marrant. Et après, ça s'enchaînait sur la continuité du piano. L'entrée au conservatoire à 15 ans pour étudier le chant lyrique, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, toi, tu as vraiment fait le conservatoire et tout ça. Pas longtemps. Après, j'ai vite arrêté. Je me suis dit, ouais, le conservatoire, c'est cool. OK. Mais j'aime aussi que la musique, il y a une âme aussi dedans. Et c'est pour ça aussi que j'admire les autodidactes. Voilà. Oui, et après, voilà, c'est vrai. Il y a les deux. Il y a ça. C'est bien, il y a les deux écoles. J'aime les deux écoles. Mais il faut qu'il y ait aussi de la chaleur dans le morceau, une interprétation, une âme. Ouais, c'est le premier truc. Et après, le lyrique, j'ai mis un peu de temps. Je me suis cherchée, j'ai testé avec d'autres profs, ça n'a pas marché. Et là, je suis partie sur Paris. Donc là, je dis ça, c'était en 2006. Et j'ai pris pendant 3 ans des cours de chant avec Renaud Hanson. D'accord. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Et finalement, je préfère ça, qu'on soit honnête. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et effectivement, ouais, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de talent, énormément de talent. Énormément de talent, de très belles rencontres. Il en parle, enfin, moi, je me souviens, il en parlait très souvent. Et ouais, j'avoue, si je suis aussi une fan, j'en parlais pas, mais j'aime beaucoup Michel Berger. Mmh. Et c'est le genre de répertoire qui ne se démode pas pour moi, sur Balavoine, Berger. Donc, ouais, il y a beaucoup à apprendre dedans, et ça aussi nous l'a bien transmis, quoi. Il nous l'a bien fait comprendre. Et aider aussi de son caractère aussi, et c'est ça que j'aime aussi, c'est l'honnêteté dans ce métier, quoi. J'aime qu'on me dise les choses. Mais après, il y a la manière de dire les choses aussi. Et ça dépend après. Il ne faut pas que ce soit blessant quand même. Voilà, c'est mais ça. Si on veut faire progresser quelqu'un, ouais, il faut aussi lui faire quelques remarques. C'est ça. Et il faut y aller doucement. Et ouais, je pense que le professeur est très important pour ça. Hein. C'est ça. S'il n'y a pas la bonne personne, exactement, ça ne marchera pas. La pédagogie est importante. Et moi, je leur dis aux élèves, vous savez, voilà, c'est un métier qui est difficile. Bah, ce qu'on vous montre, effectivement, à la télé, c'est chouette. Mais, je dis très souvent mais, quoi. Je crois qu'on ressort, le mais ressort très souvent dans divers sujets. Et non, la route peut être longue. Après, je crois que ça dépend après des rencontres qu'on fait, du réseau. Et voilà, c'est dur de passer par la petite porte. C'est pas évident. Il y a beaucoup de monde. On en parlait, oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées aussi durant le Covid. Beaucoup de projets, beaucoup de duos, de trios, de groupes. Et il y a de la place pour tout le monde aussi. C'est ça, c'est important. Bah, il faut justement être différent des autres. Complètement. Parce que si on fait tous exactement la même chose, au bout d'un moment, c'est redondant. Donc ce qu'il faut, c'est toujours essayer de se placer avec quelque chose de différent. Ouais. Parce que malheureusement, il n'y a pas de malheureusement et heureusement aussi, il n'y a pas de recette pour fonctionner. Il y a des choses qui marchent naturellement parce qu'il y a l'émotion qui passe. Et, voilà, ouais, et puis, on refait la même chose à côté, ça ne remarche plus. Non, voilà. C'est fini. Il y a certains groupes qui ont essayé de faire ça. Ils ont fait un morceau qui a super bien marché. Ouais. Ils se sont dit, tiens, on a trouvé la bonne combine pour le faire. On en fait un deuxième, troisième. Au bout d'un moment, les gens se lassent. Ils se lassent, c'est ça. Savoir évoluer aussi. Exactement. Et évoluer aussi avec ce qui se au niveau des tendances aussi, quoi. Mais non, ça, je préviens, soit les élèves, mais même pour moi-même, trouver, comme pour elle, c'est trouver son identité aussi. Identité visuelle, finalement, ça aussi, ça se cogite aussi. Là, je suis en plein dedans, ça réfléchit beaucoup là-dessus. Identité vocale également. Donc, le fait des expériences, des projets à côté, ouais, m'aide à ça aussi. Et je leur dis très fortement aux élèves, vous savez, vous êtes mes élèves, mais en quelque sorte, vous m'apportez aussi quelque chose, sans le savoir, en fait. C'est marrant. Ça va dans les deux sens. Ouais, exactement. Très bien. Bah voilà. C'est vrai que moi, je m'étais jamais imaginé, mais maintenant que tu me le dis, ouais, on comprend beaucoup mieux les choses. Bah, c'est les rapports humains. Je crois que c'est ça. Et en plus, quand on est dans les milieux artistiques, c'est quand même l'émotion qui part dessus tout. On parlait tout à l'heure des gens qui ont fait le conservatoire. Ouais. Ils ont la technique. Ah, tout ils ont ça. Tout. Ouais, et à côté de ça, des fois, il y en a, ils ont la technique et tout ça, mais ça reste froid. Et d'autres à côté qui ont pas une technique de malade, mais qui sortent trois accords et ils s'accompagnent et puis ils mettent l'émotion là-dessus et puis ils résistent. Donc quand on a les deux, c'est mieux. Complètement, mieux, mais le plus important, c'est quand même l'émotion qu'on transmet, je suppose. Complètement, et je le vois dans elle, que ce soit Yatcha, Séverin et Marc, tous les trois, et je peux me compter dedans, mais tous les trois, tous les quatre en tout, on a divers parcours aussi. Yatcha, il va être autodidacte, Séverin, lui, il a le conservatoire derrière. C'est chacun apporte son truc finalement, et c'est ça qui fait que c'est bien aussi, quoi. Chacun vraiment apporte. Par exemple, Marc, on a discuté là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Lui, ça a été vraiment des groupes de reprises. Ça peut être du bal, peu importe, ou d'autres groupes sur d'autres styles, mais c'était vraiment reprise. Et se sentait un peu fragile peut-être sur le fait que c'était de la compo. Et je dis non, mais prends-le comme une bonne expérience en fait. Prends ça, quoi. C'est un petit plus dans ton apprentissage, c'est un peu ça en fait, quoi. Et ça, pareil, les élèves, je leur dis clairement, je dis, vous savez, vous êtes dans l'apprentissage, mais nous aussi, on est toujours dans l'apprentissage dans notre métier, quoi. Il n'y a jamais de fin. Et ça qui est chouette. Je crois qu'il n'y a jamais de fin, de toute façon. Jamais. C'est une question que je pose aussi souvent, c'est, par exemple, les morceaux, quand ils sont enregistrés, ils sont figés. On les a figés. Mais quelque part, les groupes qui continuent à faire des concerts, finalement, le morceau, ils vont le faire évoluer. Oui, et je suis sûr que si jamais ils devaient le réenregistrer 10 ans après, ils ne seraient pas déjà pareils. Ils ne mettraient pas les mêmes choses en valeur. Parce que le morceau aura changé, finalement. C'est ça. Donc, c'est le côté vivant de la musique. Complètement, ouais. Et donc, les groupes qui font beaucoup de live, ils le font évoluer beaucoup plus parce qu'ils vont le reprendre suivant les ambiances, suivant le public, les gens qui sont là. Ils vont vouloir faire des choses différentes. Et finalement, le morceau, petit à petit... Moi j'ai vu aussi des chansons qui avaient été très connues, par exemple, dans les années 80. Ouais. Et les artistes, ils continuent de chanter aujourd'hui. Ils la rechantent, mais je dis, tiens, mais c'est plus tout à fait pareil. Quelque chose qui a changé. La note de fin n'est pas... Il chante pas de la même manière. Il l'a fait évoluer. Ouais. On reconnaît bien le morceau, mais déjà, c'est plus pareil. Il dit quelque chose, de différent. Et oui, forcément. Et c'est ça qui est chouette. Et ça, je le vois aussi pour elle. Quand je réécoute là les morceaux... les derniers concerts, j'ai dit waouh, ça a pris une claque. Ça a pris une claque, les morceaux. Ouais. Donc, vocalement, il y a des choses qui ont changé, je le sais. Donc voilà, maintenant mais vous souvent, le savez. C'est dans le bon sens aussi. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que je pense à l'EP, ça va être chouette. Ah bah oui. Donc ça va être. Complètement quoi. Et après, c'est aussi le stress. Hein, quand on a un EP, un enregistrement à faire, on essaie de le faire pour le mieux. Ouais. Et on ne veut pas vouloir revenir dessus, quoi. C'est on veut que ça reste pour la fin le mieux, le meilleur de soi-même. Et j'imagine le stress que ça doit être. C'est ça, complètement. Dis-moi que c'est OK, c'est bon. OK, ça marche. Et après, c'est pareil, il y a beaucoup d'écoute. Et puis les musiciens, quand ils ont enregistré, ils ont l'impression que c'est bien. Donc des fois, il faut mieux qu'ils le laissent reposer pendant plusieurs jours. Réécouter à nouveau en disant finalement dans ma tête c'était bien mais finalement j'écoute hein, c'est vrai que c'est tout un travail, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que c'est pas mal d'écoute, mais des fois allez là j'ai plus la tête à ça, on met en pause le lendemain forcément comme beaucoup. On entend autrement, c'est assez marrant quoi, des fois moi ça m'arrive, je suis peut-être le fait d'être trop perfectionniste. Mais des fois, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, là. Là, c'est sûr. Là, je sais, je m'écoute, j'écoute les tiges. Ça a évolué. Ça pourrait être mieux. Donc, c'est marrant, quoi. Marrant parce que moi, j'imagine tout à fait ça. Et étant donné, moi, je suis pas musicien. C'est pareil. Quand on est musicien, on a tendance à tout analyser par rapport à ce qu'on a appris aussi. Donc, et des fois, c'est une déformation. Parce qu'on cherche les petits problèmes là où ils sont pas. C'est ça. Et c'est pareil. Moi, il y a beaucoup de musiciens aussi qui sont dans la technique, dans l'enregistrement, dans le son. Donc, eux, ils regardent plutôt les petits trucs que personne n'écoute, quoi. En vérité, nous, ce qu'on veut, c'est le son qui ressort. Et eux, ils regardent les petits détails que nous, on fait même pas attention. C'est ça. Ouais, finalement, c'est pas plus mal aussi de faire écouter ça à des gens extérieurs aussi. Ouais. Des gens qui sont pas du métier, surtout. Voilà. Des gens qui écoutent de la musique comme eux à la radio, mais qui connaissent pas plus que ça. Ouais. Et parce que des fois, il y a aussi des associations de notes. On dit, ouais, mais attends, ça fait un peu bizarre. Ouais, mais À la limite, ça choque personne, ça passe. Par contre, les musiciens vont dire oh, mais c'est un peu bizarre ton truc. J'entends moins la voix. Peut-être qu'on aurait pu. Ouais, en fait, ouais, non, c'est ouais. On est terrible, on se torture finalement. Mais c'est aussi, tout à l'heure, on faisait l'analogie avec les peintres. C'est pareil, le peintre, quand il a fait un tableau, moi je sais que je peins plus du tout, mais à une époque où j'aimais beaucoup dessiner tout ça. Et quand est-ce qu'il est fini le tableau? C'est ça. On sait jamais, on a toujours envie de. Et un jour, on dit, bon, on le finit, on le fige là, parce que sinon, on le continuerait tout le temps. Exactement. On remodifierait tout ça. Et la chanson, je crois qu'on peut le faire. On peut le faire, ouais. Et si on regarde aussi dans les grands artistes et les grands peintres, souvent, il y a une œuvre et on voit qu'il y a énormément de brouillon avant. Mmh. Avant de sortir l'œuvre, il y avait déjà plusieurs choses, plusieurs tentatives, plusieurs. Des idées. Ouais, des idées déjà. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose, c'est un travail de tous les jours. Mmh. Finalement, c'est une évolution tout le long de la vie. C'est donc, ça. Complètement, et c'est ça qui est chouette, quoi. Celui qui me dit, voilà, ouais, non, moi, je sais tout. Oh, c'est triste. Oui, je le plains aussi un petit peu. Ouais, voilà, t'es triste, en fait, toi. La personne qui a l'impression de tout savoir, souvent, c'est pas forcément celle qui sait le plus. Et j'aime bien, justement, les gens qui sont humbles, qui sortent un truc super, et qui disent, oui, c'est pas mal, oui, je veux rendre. Et je dis, mais attends, il nous sort un super morceau. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Et j'ai remarqué que souvent, les grands artistes sont comme ça. Moi, parmi ceux que j'ai reçus, ceux qui se cassent moins la tête et tout ça, c'est ceux qui ont le plus de succès, parce que finalement, ils font moins attention à des petits détails que les groupes de débutants. Voilà, ils vont regarder plus le son et choses comme ça. Moi, j'ai vu des artistes arriver ici, ils prennent leur guitare, ils se préoccupent de rien, ils jouent et puis c'est tout. Voilà, c'est à moi de me débrouiller. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est chouette aussi, quoi. Non, c'est, c'est marrant, quoi. Ouais, l'évolution des titres, enfin, ouais, je le vois pour ça, ou même on parlait d'autres artistes, ouais. C'est. Tiens, tends l'oreille. Quelque chose qui a changé, tiens. Ou grande chose, ça dépend. Mais ouais, non, mais c'est vrai que moi je sais en compo que à un moment donné on met un frein. On pourrait mettre ça un petit peu de ça. Stop. Après c'est plus audible finalement et non, il vaut mieux rester le plus simple possible. Que ça soit chouette aussi à l'écoute, quoi, pour les autres. Après c'est pareil. Les musiciens, je pense que c'est un peu comme les tableaux. On a toujours envie d'en rajouter. C'est ça. Donc la musique et aujourd'hui avec la technologie qu'on peut avoir, on dit tiens, on met très bien un petit peu de synthé là dans le chant. Ouais, d'accord. On a peut-être un peu de violon aussi. Et puis à la fin, on dit mais attends, ça va plus du tout ton truc là. Il y a trop de choses. Et ce qu'il faut, des fois, c'est tout effacer, tout recommencer. Ils mettent juste ce qu'il faut. Moi, finalement, c'est pas toujours en rajouter. C'est de garder juste. Le nécessaire. Juste et bien équilibré. Ouais, quoi. Voilà. Et je compare ça un peu à une recette de cuisine. Aussi, je te mets de ça, je te mets de ça. À la fin, c'est dégueulasse, quoi, en fait. C'est... Ouais, des gens, des fois, dans le chocolat, ils essaient de rajouter un petit peu de menthe ou un machin, et à la fin, ton gâteau au chocolat, il a un goût de menthe ou un goût d'anis, c'est plus du tout ce qu'on voulait au départ, et bon, ça dénature. Une petite touche, ça peut être bien, mais des fois, ça dénature. Voilà. Et complètement, quoi. Ouais. Et c'est pour tout pareil, quoi. Il faut savoir doser, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Là, pour nous, ça va être, à l'écoute, c'est vraiment la petite pincée de. C'est peut-être même un ingrédient secret, quoi, qui fait qu'après le morceau, ça... stop, on touche plus. Parfait. C'est ça. Je me demande si les artistes arrivent à ce résultat un jour. Tu sais pas. Je sais pas. Moi, j'essaye en tout cas. Parce que stop, quoi. Parce que, Ce qui compte, c'est pas finalement le but, c'est le cheminement pour y arriver. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Très bien, on a beaucoup papoté, on a dit plein de choses. Ouais. Et on va écouter un petit peu de musique. Tout à l'heure, j'ai parlé de Willy, justement, qui était venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il nous avait interprété des morceaux en direct live. Et là, par contre, c'est un morceau que lui avait enregistré, qu'il m'avait apporté, qui s'appelle « Je suis libre ». Et je me souviens un petit peu de ce qu'il a raconté, parce que ça, c'est aussi très important. Quand on écoute une chanson, on a une première écoute, et puis on s'approprie un peu les idées en se disant, voilà, par rapport à notre vécu, etc. Et quand une personne nous explique la chanson, après on l'écoute différemment. Je me souviens que je suis libre, ça finalement c'est un truc joyeux tout ça, mais ça partait d'un divorce. Et il s'est dit, bon, finalement elle est partie. Et à la limite, je suis libre. J'aurais pas vu comme ça. Donc, voilà. Et sachant que finalement, c'est triste au départ. Mais finalement, c'est gay aussi. Voilà. Il faut prendre les choses. Il y a toujours des manières positives et négatives de prendre les choses. Donc, Willy, lui, prend le côté positif avec le morceau Je suis libre. Thank you. reviens aujourd'hui. Amour d'Andalousie, tu m'aimes pour de bon. Tu me demandes pardon. Faire la belle, Andalouse infidèle. Toi tu es éphémère, impossible et légère. Je suis libre. Je suis libre de toi. Je suis libre. Je suis libre de toi. Tu m'as cassé. Surtout sur des airs andalous, j'ai voulu y croire, aveuglé par l'espoir. Thank you.

Et alors, au début, combien de fois j'ai bafouillé avant de pouvoir le dire. Et aujourd'hui, je le dis très bien. Mais je me souviens que j'avais eu beaucoup de mal. D'ailleurs, ce groupe-là n'existe plus. Mais en tout cas, on avait passé des bons moments. Je crois qu'ils étaient venus deux ou trois fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de leur travail. Mais bon, voilà, les musiciens aujourd'hui font partie d'autres projets. Mm-mm. Et voilà, c'est le côté vivant. Ouais, c'est ça. Et puis si on regarde bien, même les grands groupes, si on regarde bien, ils ont une durée de vie qui n'est pas forcément... Ouais, ça dépend vraiment... Après, il y en a, bon, ils ont 30 ans... Ouais, comme les Rolling Stones... Ouais. Mais les Beatles, par exemple, c'était beaucoup plus court. Ouais, c'était plus court, effectivement. Puis d'autres, quoi, c'est... Ouais, quand on y pense, ça dépend. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a aussi beaucoup YouTube, de groupes qui ont tout laissé et puis qui reviennent quelques années après. Ouais. Ils se recomposent. C'est ça. Ouais, c'est... Pourquoi, comment? Ouais, mais je crois que c'est le facteur humain. Je crois qu'il y a beaucoup Ouais, c'est ça. Et puis dès qu'il peut y avoir des choses qui est bouleversées dans la vie d'un des musiciens, donc ça bouleverse le groupe. Et c'est puis ça. Après, les autres, après, au bout d'un moment, ils commencent à avoir des problèmes, et ainsi de suite. Ça peut être juste un élément, quelquefois. Ouais, ouais. Je pense à peu près aux Beatles. Mm. C'est un peu ça. C'est ça, c'est un peu ça. Et pour d'autres, c'est souvent la même chose. Hein. On imagine, c'est toujours le côté humain, hein, de toute façon. Hein. Il y a la musique, mais il y a aussi le... C'est pour ça qu'on parlait de communication, bah ça, voilà, c'est le côté humain. D'accord. Ouais, ouais. Voilà. J'avais encore pas mal de questions à te poser. Oh, vas-y, dis-moi tout. Mais là, du coup, tu vois, je me souviens plus. Bon, bon, c'est pas bien grave. ce que je voulais dire aussi, c'est que tu es venu ce soir, tu n'as pas tes musiciens. Non. Mais par contre, tu vas nous interpréter un morceau. Ouais, je vais faire ça. C'est un petit défi, je me suis relevé. Alors, là, acapella, carrément. Comme je dirais très souvent, Acapulco. Acapulco. Ouais, non, c'est une petite reprise. Non, c'est pas un titre exclusif. Désolée. Oh, c'est dommage, ils sont pas là. C'est une reprise d'un parfait inconnu. On ne connaît pas du tout. Il s'appelle Serge, je crois. Serge, ouais. Gains, ouais. Quelque chose, Gainsbourg. Gainsbourg, je crois, ouais. C'est un brave bonhomme. Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qu'on a déjà cité pas mal de fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce que franchement, c'est vrai qu'il a laissé beaucoup de choses. Il avait vraiment un style bien particulier. Mm. Et je crois que ça restera une référence. Hein. Mm. Comme les messieurs qu'il y a derrière, là, on voit Brel, Ferré et Brassens. Ouais. Cette image-là. Souvent, on en parle de cette image-là qui est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Grand moment de radio aussi. Hein. Et d'ailleurs, je me suis dit, ce soir, je suis en bonne compagnie. Ouais, c'était assez marrant, quoi. Il va falloir faire un montage et te rajouter parmi les trois. Ils sont sages, hein. Ils sont vraiment sages. On les entend pas beaucoup. Très bien, donc tu vas nous interpréter un morceau en direct live. Donc c'est une chanson de Serge Gainsbourg, on le sait. Ouais. Et laquelle as-tu choisi? La javanaise. La javanaise. Ouais. Ne vous déplaise. Ne vous déplaise. Donc je coupe le son et je te laisse ce micro et puis l'antenne est à toi. Ça marche. Comme ça. Donc déjà j'arrête la petite musique de fond qui sert ça à rien. Ça bien. Et j'enlève aussi mon micro, donc maintenant c'est... À toi, tu veux pas faire les cœurs, t'es sûr? Non, il vaut mieux pas. Je pense qu'il pleut déjà assez. S'il te plaît. Voilà, c'est parti. Ça marche. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril, en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson, le temps d'une chanson. Bravo, en direct live, a cappella, ce qui n'est pas simple du tout. Je crois que tu es une des rares artistes qui a chanté a cappella ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Une deuxième, je pense que c'était Arnaud Walden, je me souviens qu'il avait fait une chanson aussi en direct live a cappella. Ouais. Et je crois que de tête comme ça, je crois que c'est les deux seules personnes qui ont chanté vraiment. Bravo en tout cas, parce que c'est vraiment pas facile. Ah, mais j'adore ça, ouais. Il y avait tout. Finalement, il n'y a pas besoin d'instruments, hein. Bon, bah alors, je vais leur dire, finalement, voilà, quoi. On était bien sans vous. Voilà, c'est horrible. L'émission Mavrika, l'émission qui casse les groupes. C'était génial. Non, c'est vrai qu'à cappella, c'est quelque chose de formidable et c'est pas évident. C'est vraiment. Et là, tu as réussi à conquérir tout l'espace, tout le temps sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Oh, c'est trop bien. Merci à toi. Merci à toi. Hein, voilà. si tu veux en faire d'autres, il faut pas hésiter. On a encore un petit peu de temps. Hein. On verra peut-être tout à l'heure. On a encore un morceau à toi pour découvrir avant la fin de l'émission. On a encore aussi des petits morceaux. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de Manu Lorca. Je ne sais pas si tu connais des noms que je cite là. Est-ce qu'il y en a certains si, par contre, moi, Manu Lorca, oui, si, ça me parle aussi. Oui, ouais, mais je ne me souviens plus de quel coin, mais la Ferté par là. Hein, Oui. Donc ça s'approche un petit peu de Châteauroux quand même. Ah, oui, tout ça. Mais c'est pas très très loin. J'ai des amis sur le coin à côté d'Orléans et j'avais pu découvrir aussi des artistes locaux du côté d'Orléans donc début 2020 donc très bien finalement voilà par exemple quand tu fais des concerts les derniers concerts que tu as fait ça remonte à combien de temps pour elle oui entre autres, ou après d'autres projets. Dans le dernier concert, c'était avec elle, quoi. C'était le 23 septembre. Ah oui, donc il n'y a pas si longtemps Non, il n'y a pas si longtemps. Et oui, tu voulais me dire par rapport... C'est-à-dire, à la fin du concert, est-ce que les gens viennent vous voir? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes quand les gens viennent te voir? Ou tu préfères t'enfuir, prendre l'hélicoptère et disparaître En plus, avec un hélico On parlait des Beatles, c'est pour ça que ça me faisait penser un peu à ça. Excellent. Moi j'aime quand les gens viennent nous voir, quoi, échanger. Souvent, les gens qui font la démarche, souvent, c'est pas pour dire du négatif. C'est assez rare. Hein. Souvent, c'est pour dire j'ai bien apprécié. Ou alors, peut-être pour faire une petite remarque, mais constructive. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, après, c'est pas la peine qu'ils viennent. Non, sinon, finalement, restez sur votre siège. Vous étiez bien, finalement, en quelque sorte. Non, généralement, c'est constructif. Alors, je me souviens quand je faisais partie du duo The Lady as an Only Guy, forcément, très souvent, trois quarts des titres, c'était en anglais. Donc, remarque des gens, mais vous pouvez pas chanter en français? Très souvent, c'est ça qui ressort, quoi. Après, par la suite, on avait inclus des compos en français, mais très souvent, ça revenait. Bon, il y avait aussi le côté positif, mais c'est rigolo, quoi. Bon, en fait, je rigole, quoi. mais ce que tu me dis, là, c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Ouais. Il y en a certains qui sont très, très attachés déjà à la langue française. Et moi, je connais une personne, il s'appelle Monsieur David McLean, c'est un artiste de la région aussi, et qui a été mon chroniqueur pendant quelques années. Lui, c'était son truc. Il était vraiment attaché à la langue française. Il n'a interprété que des morceaux en langue française. Donc, à chaque fois qu'on avait des invités, il leur demandait « Mais pourquoi vous ne faites pas des morceaux en français, simplement ?» Alors, il y en a certains, forcément, l'anglais, c'est aussi la langue du rock'n'roll. Donc, c'est pas toujours évident. Ou faire du blues en français. Il y en a qui le font très bien. Mais des fois, il y en a certains qui ne sont pas à l'aise. Et puis, il y a aussi le côté en langue française. Quand ça adresse un public français, ils font beaucoup plus attention aux paroles, parce qu'en anglais, on peut dire n'importe quoi, Bapaloula, I love you baby, etc. Ça passe, c'est de l'anglais. Ça passe crème. En français, c'est plus compliqué. Et Gainsbourg, par exemple, c'est un grand auteur, c'est quelqu'un qui sait jouer avec les mots, dire des choses des fois avec plusieurs sens, c'est à nous de bien comprendre. Et donc le fait de chanter en français, ben on se met plus à nu devant le public, oui. Et on a l'impression qu'on se dévoile beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'on ouvre des barrières. C'est pas si évident que ça, hein, donc le français. Hein. Non, c'est pas évident. Enfin, moi je le vois dans les titres qu'on a. Et ouais, on se dévoile. Enfin, pour elle, c'est ça. Hein. En gros, oui, j'aime ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de très peu, voire pas du tout, de ma vie personnelle. Et elle en fait partie. Oui, on retrouve un petit peu cette petite vie perso, quoi, en fait. Mais voilà. Mais d'autre côté, non, c'est plus tout ce qui parle de voyage, tout ça, des choses comme ça. Là, oui, c'est moi, mais bon, on essaye de. Oui et non, quoi. C'est vraiment une petite part de moi. Le reste, ça va être fictif, on peut dire, un peu. Je sais pas. Chacun se retrouve un peu dedans, quoi. Oui, oui. Ouais, c'est ça, quoi. Je pense que de toute façon, qu'on le veuille ou pas. On se retrouve dans tous les cas, gens, même si c'est perso. Voilà. Je pense, moi, j'ai vu des chansons où j'avais compris des choses et finalement, c'est pas du tout ce que l'auteur a voulu dire. Oui. Mais finalement, ça m'est aussi déjà arrivé de parler justement aux auteurs, puisque je reçois beaucoup de musiciens. Et des fois, ils me disent, j'avais pas vu ça comme ça, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que inconsciemment, j'ai peut-être voulu dire ça aussi. Et voilà, des fois, on écrit des choses et on dit quelque chose et en vérité, on se cache derrière des mots. C'est ça. Et on veut aussi dire autre chose. Si on n'arrive pas à le dire. C'est la magie. Ouais. Si on n'arrive pas à le dire proprement, vraiment de vive voix, on va forcément l'écrire. C'est beaucoup plus simple. Voilà, très bien. On arrive à parler de plein de choses, hein, plein de choses différentes. Ouais. Tu nous as parlé aussi souvent de voyage. Ça vient souvent dans tes conversations. Tu as eu l'occasion de voyager beaucoup Très peu. Très peu, mais c'était des chouettes voyages, que ce soit Belgique, Allemagne, Pologne, Portugal. Ah ouais? Ouais, c'est très bon souvenir aussi, Portugal. Et il y a des coins magnifiques, non, j'avoue, ouais. Mais j'avais fait très souvent l'autre côté, quoi. Allemagne, Belgique, Pologne. C'est pas du tout le même climat, quoi. Ouais, mais bon, après, chaque pays est différent. C'est ça. Et c'est ce qui est bien. Puis la France, même la France, il y a des, paysages complètement différents d'un côté à l'autre. Ouais, complètement. Et je crois que même nous, en habitant la France, on connaît pas la France. Non. On connaît notre coin où on habite, mais il y a plein de choses à découvrir. Ouais. Donc, c'est et ça. Les voyages, c'est quelque chose où, moi, je vois ça comme une remise en question à chaque fois. Parce qu'on voit des gens différents. Ouais. Et plus on va loin, plus les gens pensent différemment de nous. Une culture différente. Et on se dit même des fois, mais on est complètement à côté, nous, dans notre vie, en France, à vivre comme ça, à penser de l'argent, machin. Et il y a des gens qui vivent complètement différents, ils sont complètement déconnectés. Et qui se plaisent comme ça, en fait. Bah oui. Et même nous, quand on y va là-bas, au bout d'un moment, on adopte un petit peu cette méthode. Et quand on revient en France, moi, je sais que j'étais revenu une fois en France, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui font la tête de partout, là? Pourquoi ils sont comme ça? Et j'étais revenu d'un pays, c'était le Sri Lanka, où les gens étaient souriants et tout ça. Je suis revenu en France, mais ils sont tous malades, ils sont tous tristes, ils sont... Qu'est-ce qui se passe? C'est et après, on s'habitue, parce que finalement, c'est le pays dans lequel on le vit. Mais quand on vient d'un pays où il y a le sourire tout le temps sur tous les lèvres, c'est un peu surprenant. Voilà. On passe d'un monde à un autre, c'est qu'à de le dire. Ils ne pensent pas du tout comme nous. Hein. Ils ont plein de choses différentes. Voilà, c'est bien. Et c'est une remise en question. Et des fois, il y a des gens qui franchissent le pas, qui font vivre ailleurs, parce que finalement, ils s'aperçoivent qu'ailleurs, c'est aussi bien. Ça peut être... une autre vie complètement différente. Et complètement, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a, qui partent, faire leur vie ailleurs. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Recherche personnelle, recherche d'autres choses. C'est un choix de vie. Il faut l'accepter, c'est cool, quoi. Parler de culture, des choses comme ça, façon de vivre. Pourquoi pas. Et le climat aussi, c'est important. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis plus attiré vers les pays du sud que vers le nord. C'est vrai que j'ai eu la chance de... Ce sera plus là-haut. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Ça serait. Enfin, je suis très ouverte à tout. Ça peut être finalement Japon, États-Unis, pas Nouvelle-Zélande, si aussi Nouvelle-Zélande, Islande. Et si pourquoi pas même Espagne. J'ai fait traverser l'Espagne. Je n'ai pas vu moi l'Espagne. Je n'ai pas pu visiter. Et il y a d'autres coins sud qui peuvent être sympas à faire aussi complètement. Ouais. Ah, il y a plein de choses. Il y en a qui arrivent à faire le tour du monde. Je pars avec eux. Mais faire le tour du monde, mais je crois qu'on aura passé notre vie pour tout découvrir. Non, il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à voir. Et puis même dans le temps, par exemple, quelqu'un qui a visité un pays à une certaine époque, il retourne 10 ans après, ça a changé, c'est plus la même chose. C'est vrai, j'y ai pas pensé fois, à ça. Et des fois, il y a l'histoire. Moi, je sais que moi, j'aime bien quand je fais un voyage, je prends des photos et tout ça, et je sais que ça correspond à cette époque-là. Ouais. Et je sais que, par exemple, il y a des pays comme ça qui étaient sous dictature, qui sont devenus démocratiques, ou il y a eu des changements brutaux, et on se dit, bah, aujourd'hui, ce que j'ai vécu n'existe plus. C'est ça. Si j'y retourne aujourd'hui, je trouverai autre chose. Ouais. Il y a des pays qui se séparent, la Yougoslavie, les choses comme ça. C'est des choses qu'on a pu connaître avant et puis aujourd'hui. Donc voilà, c'est... Ça change. Ça change. Grandement. Ou alors, quand on voit une photo, à mon avis, visuellement, ça a bien dû changer la route, les arbres, les petits éléments. Rien que les petits éléments, déjà. Oui, ça... L'époque est figée, en fait. Mm-hmm. L'époque est figée. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi sur les photos. Tu me parlais, on regarde sur des photos et après, ça correspond... Des voyages, mais aussi dans le temps. Il y a des choses qu'on ne revira jamais. On dit, voilà, cette photo-là, elle est figée. On avait pris une photo, on ne s'est pas rendu compte de l'importance qu'elle avait à ce moment-là. Mm. C'était un moment. Et aujourd'hui, quand on y repense, on se dit, ouais, il y a plein de détails, plein de choses que dans ma tête, je ne me souvenais plus. Ouais. Il y a les couleurs, il y a les gens, il y a les sourires. Il y a nous, en plus jeunes. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, les photos, c'est très important aussi. C'est une chouette invention, en fait. C'est vidéo aussi. Finalement, en quelque sorte, tout ça, c'est vraiment... c'est cool, quoi. Ouais, je sais pas comment... Avant, ils connaissaient pas ça. Et c'est vrai que les premiers appareils photo sont arrivés, etc. Ouais. Et puis aujourd'hui, avec le numérique, alors là, on... À tout va. On le voit avec le portable. Enfin, là encore, tout à l'heure, on prend des photos. C'est très facile, maintenant, finalement. Ouais, et puis, à la limite, avant, on prenait des photos qu'on gardait toute notre vie. Ouais. Et aujourd'hui, c'est du jetable. Hein. Oui. Les photos qu'on a prises il y a un an, on s'en souvient même plus. Non. Non, c'est tellement... je sais pas comment on peut dire. C'est diffuse. Enfin, voilà. Ouais, éphémère. Voilà. Éphémère. J'aime beaucoup ce mot, éphémère. C'est marrant, Tiens. J'ai reçu un groupe qui s'appelait comme ça aussi. Oh. FMR. Peut-être, oui, peut-être. Ah, ça te dit quelque chose aussi. Peut-être, ouais. Éphémère, moi, je trouve que c'était bien trouvé. Ouais, éphémère, le jeu de mots, enfin, en plus, la manière dont... Et c'était un groupe de électrad rock. Et oui, donc, ça mélange... Ça y est, ouais. Ah, tu connais. Ouais, je connais. Qui mélange l'électro, parce qu'il y a une base électro, il n'y a pas de batteur. Ouais. Et après, c'est du traditionnel, et mélangé avec des instruments, avec une basse et une... une basse et une guitare électrique, quoi. Donc, le mélange de tout ça, le groupe éphémère. Éphémère. Et oui, ça y est, complètement. Voilà, c'est bien d'en reparler aussi. Et j'ai dû même les croiser sur. Enfin, pas moi, mais j'étais en tant que. D'ailleurs, j'ai vu une petite photo où ils disaient on s'y remet. Parce qu'il y a aussi des groupes qui ont laissé un peu tout tomber et qui s'y remettent après le Covid. Donc, c'est ça. Il y aura sûrement des petits concerts très prochainement. Il y aura peut-être des petites infos, des exclus, et on va dire. S'ils veulent venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ils font partie de la Mavericas Family, comme toi maintenant. Mm. Et donc, ils reviennent quand ils veulent. Mm. Voilà. Et je suis en train de regarder l'heure. Je dis, oh là, il reste plus qu'un petit quart d'heure. Donc, on a encore des petits trucs à faire. On va écouter un petit peu de musique. Oui. Alors, qu'est-ce que j'avais programmé? Qu'est-ce que t'as dans la liste? Ah, j'ai encore plein de choses. Hein. Donc, j'ai ton dernier morceau. Ouais. Qui s'appelle des merveilles. C'est ça. Pays des merveilles. Oui, effectivement. Ouais. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que pays, c'est passé en OSD. sur l'artiste. Alors, je sais pas pourquoi, pays et des merveilles plus loin. C'est pour ça que je reconnaissais pas. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite correction là pour la page Facebook, j'en profite. Ouais. Donc, c'est Elle, scène française. Oui, tout à l'heure, tu nous avais dit. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Je me souviens plus. Officielle, c'est scène française. Scène française, voilà. Ouais. C'est bien de le dire. Ouais, d'ailleurs, tiens, pendant qu'on écoutera de la musique, je mettrai le lien sur mon Facebook. Comme ça, les gens pourront y aller directement. Et puis, ça sera beaucoup plus facile. Ça marche. Je propose qu'on écoute de la musique qui envoie du lourd. Là, c'est vrai que ça surprend un petit peu par rapport à ce qu'on a écouté dans cette émission. C'est une émission assez tranquille. Mais c'est vrai qu'on reçoit des artistes de la région. Des fois, c'est du métal, du punk, etc. Et là, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, je sais que un des membres nous écoute, nous a mis des petits j'aime. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont mis des messages. Hein. Franchement, il y en a pas mal. Et puis, je suis content, je vous répondrai après. Ou en tout cas, juste un petit j'aime pour dire on t'écoute. Et puis, ça nous fait plaisir d'écouter cette émission. Donc, on va écouter un morceau du groupe Summer Chance, qui s'appelle Maze, un morceau qui envoie bien. On va écouter aussi, parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de jazz et tout ça, j'ai pensé une artiste que j'ai reçue il y a quelque temps qui s'appelle Elsia. Je ne sais pas si elle connaît. Non, je ne connais pas. Non. Qui a ce petit côté jazzy et tout ça que j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Et ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas écouté. Je me suis dit, tiens, on va la passer tu aussi. Tu vois, c'est cool. Et on va passer donc au Pays des Merveilles, donc juste à la fin. Et tu vas nous parler. Et puis après, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Donc, ça ne peut même pas 2 minutes en plus. Si, on peut. Il n'y a personne derrière nous. Donc, quelques minutes de plus, on peut se permettre de le faire. On est bien dans l'émission. Tu as vu, 3 heures, c'est génial. Ouais, ça passe très, très vite. Les gens, ouais, au début, ils sont surpris. Mais moi, qui suis habitué à faire des émissions, j'ai fait des émissions à rallonge qui faisaient plus de 8 heures, ouais, même plus que ça. Donc aujourd'hui, maintenant, 3 heures, c'est vrai que ça passe très vite. Ouais, mais quand on a des vite. Invités, ça va passer très vite. Hein, c'est vrai. Je crois que la semaine dernière, on a fait l'émission la plus courte de la vie. Je vais vous raconter l'histoire parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Donc la semaine dernière, vous avez pu vous rendre compte que j'ai rendu l'antenne à 21h. Alors le pire, c'est que j'ai fait l'émission, j'étais là avec vous, hein, donc il y avait des gens qui me parlaient, j'ai eu des personnes au téléphone, donc j'ai pas mal été au téléphone et j'ai mis beaucoup la musique en automatique. Et quand j'ai regardé l'heure, je me suis rendu compte qu'il était 22h, donc je me suis dit bon, je rends l'antenne. En vérité, c'était un faux affichage, c'est-à-dire qu'on a un affichage de l'heure qui n'est pas bon ici sur la radio. On en a un seul qui est pas bon, tous les autres sont bons, hein. On en a au moins 3 ou 4 qui sont bons, et il y en a un qui est pas bon, et donc j'ai rendu l'antenne à 21h. En croyant qu'il était 22h. Donc vous m'excuserez, j'ai pas voulu reprendre l'antenne après parce que, mais bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais ou alors j'étais très fatigué, ou alors vraiment j'étais, mais j'ai pas vu le temps passer. Encore, je me disais tiens, j'ai pas vu les 3 heures passer. Ben non, j'en ai passé que 2. Donc c'est l'explication. Bon, ça prête à sourire, mais bon, ça arrivera plus jamais, je vous le promets. Voilà, on a plus tendance à dépasser que à rendre l'antenne trop tôt. Voilà, donc on écoute un petit peu de musique et on se retrouve après. On fait comme ça. C'est parti. Here we go! m'émerveille. Soudain je me réveille, tout est si différent dans ce monde apparent. Les chances que je croise ont un regard turquoise qui transperce mon cœur de toute leur douceur. La nature accueillante s'éveille bienveillante, les chemins que j'emprunte ont l'odeur de l'absinthe. Au-dessus de ma tête me guide à l'aveuglette une nuée d'étoiles qui brille sur la toile. Au pays des merveilles, soudain je me réveille, tout est si différent dans ce monde apparent. Les chances que je croise ont un regard turquoise qui transperce mon cœur de toute leur douceur. Je ne suis plus moi-même, cet être à la problème, venant de nulle part qui errait au hasard. Mon esprit vagabond devient moins furibond, et mes pensées humaines sont ici plus sereines. Ne sont que mots d'amour, et mes peurs disparaissent ainsi que mes faiblesses. Je n'entends plus l'appel du monde parallèle dont les murmures sourds se font un peu moins lourds. Au pays des merveilles, soudain je me réveille, tout est si différent dans ce monde apparent. Les choses que je croise ont un regard turquoise qui transperce mon cœur de toute leur douceur. Mon corps même se fond en ce décor profond où chaque frôlement se fait intensément. Tout est multiplié pour me faire oublier la vie que je délaisse et tout ce que je laisse. Au pays des merveilles, soudain je me réveille, tout est si différent dans ce monde apparent. Les choses que je croise ont un regard turquoise qui transperce mon cœur de toute la douceur. Balada, balada, wapadou. Voilà, les 3 heures sont vite passées. On arrive à la fin de cette émission. On vient d'écouter un morceau d'Elodie EL. Voilà, on va dire Elodie parce que c'est toi qui es présente, mais tu représentes le projet Elle. Elle. Voilà. Ouais. Donc le morceau qu'on a écouté, c'est au pays des merveilles. Oui. C'est au pays des merveilles. Au pays des merveilles. Au pays des merveilles. D'accord. Parce que moi, sur mon lecteur, il y a que pays des merveilles qui apparaît. Voilà, c'est un petit peu particulier les trucs aussi. Mais bon, l'important c'est qu'on retrouve juste avant. C'était Elsia avec Paranoïde. Et encore avant, c'était, si je me souviens bien, So More Chance avec Maze. Voilà. On arrive donc à la fin de cette émission. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Les gens qui te connaissaient pas aujourd'hui te connaissent un petit peu mieux. Oui. T'as peut-être dit des choses que t'avais pas prévu de dire non plus. Non, dans la... pas prévu de faire non plus. Donc c'était cool, super, quoi. Donc il voilà, y a eu quand même un live. Ouais. Une chanson a cappella interprétée en direct dans les studios. Mm. Donc un moment qu'on va récupérer, hein, grâce à notre ami Florent qui fait les podcasts. Ouais. Donc on aura les podcasts. Bon, si c'est pas ce soir, c'est demain. En tout cas, on l'aura très prochainement. On remercie Florent pour tout le travail qu'il fait parce qu'il il fait les podcasts de toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel. Donc okay. À chaque fois qu'il y a une émission, ben il l'enregistre et après il le met sur une page et nous on partage le lien pour que les gens puissent réécouter à nouveau. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en tout cas, on le remercie pour ce qu'il fait. On a parlé de plein de choses. Je crois qu'on n'a rien oublié. C'est à peu près complet. Si on oublie quelque chose, il va falloir que tu reviennes pour nous avec en parler. Avec grand plaisir. Je prends tout de suite. D'accord. On va prendre rendez-vous pour 2022. C'est ça. Pourquoi pas, hein, à la limite, pourquoi ça, pas, ça ouais, pourrait se faire comme plaisir, ça. Ouais, carrément. Voilà, et puis d'autres choses à rajouter qu'on n'aurait pas abordées ou... Non, je pense que, ouais, on a tellement bien échangé, enfin, c'est passé tellement vite. Tu es à la radio si tu as envie de, de faire un petit message aux auditeurs qui nous écoutent ou à des personnes en particulier qui nous écouteraient. Ça, moi, j'avais demandé. Ouais. Alors, c'est difficile, hein. Oui, quand je demande ça, c'est vrai que les gens, ils nous demandent à réfléchir un petit peu avant. Non, bah, merci à, déjà, merci pour l'accueil. Enfin, franchement, c'était, comme je disais tout à l'heure, comme une famille, quoi. On est hyper bien reçu. La Mavericka Family, c'est pas pour rien. Hein. On est à l'aise. Parce que moi, je suis pas quelqu'un, enfin, voilà, ouais, parler derrière un micro, chanter, ouais, ok, c'est cool, mais parler, c'est encore autre chose. Tu t'es très bien débrouillé parce que c'est vrai que c'est une mission très facile à faire puisque tu, voilà, on te pose des questions, tu réponds, tu dis plein de choses, c'est vraiment agréable. Des fois, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui parlent beaucoup moins et puis je suis obligé de plus. De rajouter batailler. Des mots. Ouais, de rajouter des mots et puis de combler un peu plus. Alors que là, finalement, ça se fait tout seul, hein, c'est naturellement. Ouais, on essaie de pas trop réfléchir. Oui, que ça vienne effectivement naturellement. Non, bah, remercier toute l'équipe, les auditeurs. Toute l'équipe aussi de elle, les musiciens qui m'accompagnent, la famille, les amis, ceux qui nous boostent. Voilà, c'est qui vous supportent aussi parce que qui nous supportent aussi. C'est vrai que les musiciens souvent ils disent ça comme ça, ils disent les gens au début nous aiment bien, mais au bout d'un moment quand ils voient que nous on est à fond dans la musique, au bout d'un moment ça, je comprends aussi on peut remercier leur patience aussi. Non, ça va de leur patience, j'avoue, la famille, je pense. Parce que quand un morceau est interprété sur une scène, en vérité il a été répété et pas toujours dans des bonnes conditions. Non. Et du coup c'est avant que le chef-d'œuvre soit là, bah il y a eu des brouillons, donc voilà. Il y a eu des couacs. Souvent c'est ce qu'entend la famille à la maison. Je me suis vue avoir des répètes où c'était misère. Je fais, oh la vache. Et le concert, mais génial. Pourquoi ? Voilà. Donc, une mauvaise répète fait un bon concert. Ah ouais. Voilà. D'accord. Je prends comme ça. Inversement aussi, moi, j'ai vu des gens qui me disaient, il y a des fois, des soirs, on avait bossé tout ça, on avait fait un enregistrement, on dit, oh là là, il est magnifique, tout ça. Ah bah, disons, là, je sais pas comment on a fait. Sur le moment, on avait l'impression que c'était super, super. On l'a écouté le lendemain, on a dit, bon, ben, laisse tomber, on recommence. Ouais, voilà. comme quoi, sur le moment, des fois, on peut être un petit peu. C'est ça. Ouais. Et justement, même si la répète se passe mal, s'il y a un bon concert, s'il y a une bonne ambiance, s'il y a un bon public, et ben, ça booste et on arrive à faire des choses qu'on... C'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. C'est ça que inversement, j'adore. Inversement, hein, quand l'artiste est bon, le public qui était venu là pour écouter, finalement, il se retrouve aussi... voilà, c'est transporté. Donc c'est un échange. Ouais. Très bien. On va dire les phrases magiques. À la fin de chaque émission, on dit toujours les mêmes phrases magiques. Hein. Il y en a d'autres qui sont venus s'y greffer, mais on en garde toujours ces trois-là. C'est que la première, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. On peut dire que la musique en général soit avec vous. Hein, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins rock'n'roll, mais bon, c'est la musique en général, c'est important. La deuxième, elle est en anglais, c'est « Everything is gonna be alright ». Voilà, une phrase d'espoir qu'on aime beaucoup, hein, qui a été reprise par Bob Marley, entre autres. Hein, beaucoup de personnes l'ont repris et qui, à l'origine aussi, je ne sais pas si c'était vraiment l'origine, mais déjà, le président Franklin Roosevelt le disait à la fin de chaque discours. Il faut le savoir, ça. Je ne le savais pas du tout. Non, bah toi, et donc, à chaque discours, il faisait un discours et à la fin, il disait ça. Everything is gonna be alright. Donc, nous, on continue à le dire. Et la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Ça, je pense que tu es tout à fait d'accord. Ouais, c'est clair. Celui qui n'écoute pas, ça existe, hein, des gens qui n'écoutent pas de musique. Il y a des gens qui n'aiment pas. Ah non, mais pas du tout. Mais pas du tout. J'ai eu une personne dans mes souvenirs qui n'écoutait pas de musique. Rien. Moi, quand je marche, déjà, les pas, c'est de la musique. Oui, la musique, elle est là tout le temps. On tape un peu, c'est de la musique. Hein. On est entouré. Ouais. Hein. On est entouré, ouais. Ouais. Ouais. Des fois, rien que le rythme, ça me donne envie de chanter. C'est le rythme que j'entends. Des trucs comme ça, voilà. Donc, voilà, il y en a qui vivent avec, il y en a d'autres pour lesquels c'est absent. C'est un petit peu dommage. C'est morose quand même. Je pense qu'il passe à côté de quelque chose. Ouais. Là, oui, j'avoue qu'il passe, complètement, c'est ça. Dommage, c'est bien dommage. Voilà, donc cette émission numéro 489 se termine. Voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'émission 490. On s'approche des 500. Hein. Et Roulement de tambour. 500 émissions, donc en 11 ans à peu près. Et puis donc la semaine prochaine, je n'ai pas d'invité. Hein, donc je serai tout seul, je vais diffuser pas mal d'enregistrements. Je vais essayer de rechercher des choses que je ne passe pas habituellement parce qu'il y a plein de choses qui datent déjà depuis quelques années. Des enregistrements qui ont été faits aussi en live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Peut-être son enregistrement aussi, si je l'ai, si j'ai le temps de le couper. C'était tout ça, par là, ouais, dans une poche qui parle. Ouais, on a énormément de musique et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont enfouies que je me souviens même plus. Des fois, quand je réécoute des anciennes émissions, j'ai envie de les réécouter à nouveau. Donc, je vous concocter ça pour la semaine prochaine. Donc, à partir de 19h sur radio-arc-en-ciel et sur 96.2 MHz sur la FM. Voilà, merci beaucoup Élodie en tout cas. C'est à toi. Ouais, et puis de toute façon, on garde le contact si tu as envie de revenir. Bah si un jour tu passes dans le coin et tu fais un petit concert, j'irai te voir avec plaisir. Ah, je te tiendrai au courant. OK. Bon, on va terminer avec un dernier morceau. Ouais. Un morceau qu'on a déjà diffusé au début de l'émission. Mais comme on a une émission qui est assez longue, les gens qui ont qui nous écoutent maintenant nous ont peut-être pas écouté au départ. Donc on va écouter ce pour morceau. Ceux qui nous ont rejoints. Voilà, c'est elle avec À ciel ouvert. Merci. On marche, ça marche. Allez, merci. Bonne soirée. À toi aussi. Je rêve d'un bateau qui vogue sur l'eau. Pour seule destinée, des contrées oubliées, où le soleil couchant réchauffe le vent, en caressant la voile, sous des nuées d'étoiles, sur la coque amarrée, des oiseaux colorés, ferait de mes rêves, un balai sans pareil, de la selle légère, ils frôleraient la mer, sous le vent de leurs plumes, la mousse de l'écume. Les cheveux emmêlés, je marcherai les pieds sur des plages désertes, là où nul ne s'arrête. Allongé sur le pont, sans le moindre plafond, je comblerai mes heures à goûter au bonheur. Je passerai le temps en vivant autrement, mes souvenirs du large pour unique bagage, une étendue bleutée pour ligne d'horizon. J'aurai le ciel entier pour unique maison. Je rêve d'un bateau qui voguera sur l'eau, où seule destinée est des contrées oubliées. Où le soleil couchant réchaufferait le vent, en caressant la voile sous les nuées d'étoiles. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Os Cascóis fazendo uma fotografia interessante no Estádio da Luz para que dentro em pouco comece a soar o hino cantado por Luís Pissarra. Cá está ele. Para a tribuna presidencial do Vida. Precisamente a equipa do Benfica, a equipa do Sporting, os jogadores a tomarem o seu lugar com rostos absolutamente concentrados naquilo que vai acontecer dentro do relvado. Quer o Benfica, quer o Sporting, querem vencer esta partida. Para lá da rivalidade, há também os três pontos que são fundamentais na luta pela liderança, tendo em conta que o Futebol Clube do Porto venceu em Portimão. Longo sorriso de Pedro Gonçalves no momento em que despe o casaco e mostra a camisola do Sporting. David Carvalho, olhar atento da Antena 1 no Real. relvado da Luz na época passada. Que espetáculo em maio! Benfica 4, Sporting 3. O Sporting não vence na Luz desde 2015. Passam 6 anos desde essa vitória 3-0 sobre o Benfica. Era Jorge Jesus, o técnico leonino. Rui Vitória estava no banco do Benfica. Vamos à análise. José Nunes, comentador da Antena 1 para esta partida. Boa noite. Boa. Depois desse 3-0 do Porto no Parlamento do Algarvio, que permite ao Dragão assistir ao derby de cadeirinha, importa vencer ou vencer, quer para Benfica, quer para Sporting Clube de Portugal. Boa noite, José Pedro Pinto, Pedro Carvalho, Paulo Sérgio, Jorge Gonçalves, Jorge Sacanão, um abraço para todos. Qualquer uma das equipas sabe que é muito importante a vitória neste jogo, evidentemente que o Benfica jogando em casa terá talvez uma pressão acrescida num mês de dezembro terrível em termos de calendário. Não é que o Sporting não o tenha também, mas indiscutivelmente o Benfica está numa situação mais apertada, tendo em vista e em conta que vai jogar dois clássicos com o Porto, ambos no Estádio do Dragão, antes esse jogo com o Kiev, aqui mesmo no Estádio da Luz. É verdade que o Sporting também joga para a Liga dos Campeões, mas já está qualificado, não precisa, entre aspas, desse jogo frente ao Ajax. Sporting sem dois jogadores importantíssimos, nucleares. Aliás, deixa-me dizer que as equipas são mais ou menos aquelas que eram expectáveis. Havia essa dúvida, no caso do Benfica, entre Seferovic e Everton. Para este jogo, penso que se percebe muito bem a opção de Jorge Jesus, duas equipas em espelho, completamente encaixadas, pelo mesmo sistema tático, 3-4-3. No Sporting, cá está então o Manuel Lugar, que estreia-se como titular no lugar do Palhinho. O Uruguai acaba por ser preferido em detrimento do jovem Bragança. Daniel Bragança, justamente porque é um jogador que, como disse ontem o seu treinador, tem características mais defensivas, não se desposiciona, é mais forte fisicamente. Admito até que se Coates estivesse a jogar, talvez Daniel Bragança tivesse uma hipótese para jogar titular nesta partida. Nestas circunstâncias, entendem-se muito bem as opções, tanto por Ugarte como por Mateus Reis. Rola a bola, vamos ver então a quem vai levar a melhor neste derby interno. A Luz é um caldeirão nesta sexta-feira. Arrancamos dezembro com o derby eterno. Aí está a bola para a equipa do Sporting, já nas imediações da grande área do Benfica. É desarmado, pareceu-me ter sido Paulinho por intermédio de Otamendi. E a bola para a equipa do Benfica. Atenção que Paulinho fica condicionado. David Carvalho. Já se levantou, entretanto, deu um saltinho, está de pé, está pronto para jogar. Olha o Sporting outra vez no ataque, conduz Pedro Gonçalves, ultrapassa Julian Weigl sobre o corredor esquerdo. Aí vai a incursão do campeão nacional. Apresenta-se na Luz com esses galões de ter conquistado o título 2021. A bola para Gonçalo Inácio. Recua o Sporting até o seu meio campo defensivo. Atenção a Fedal a tentar romper. Rompeu, foi com o João Mário. Escorregou, sai o primeiro amarelo da partida para o Marroquino. Com o Marroquino a ser pouco cuidadoso na abordagem ao lance, a atropelar autenticamente e a rasteirar. Mais um cartão amarelo, creio que é para Gonçalo Inácio. Há ali muita confusão. Ou Paulinho, já Paulinho, não sei bem. Paulinho, ora bem. Há ali muita confusão. Os jogadores do Sporting encostaram-se autenticamente ao árbitro da partida, Artur Soares Dias, e Artur Soares Dias teve de impor ali o respeito e mostrou cartão amarelo a Paulinho, para lá do amarelo mostrado a Fedal por entrada pouco cautelosa sobre João Mário, uma entrada com a perna esticada sobre o adversário. Ora bem, duas notas, atenção que Paulinho, que estava à bica, vai falhar a partida com o Boavista na próxima jornada no estádio de Alvalade. Bem cedo fica já condicionado, como também fica condicionado o Sporting. José Nunes, pareceu-te bem admoestado o cartão para Fedal, ou estamos numa altura tão precoce que Artur Soares Dias poderia ter gerido de outra forma? Se considerarmos que não há, enfim, nenhum timing preferencial ou ideal para a mostragem de cartões, o cartão, na minha opinião, é bem mostrado. É uma entrada muito ríspida por parte de Fedal. Agora, não é muito habitual, com um minuto e meio de jogo, vermos esta situação. E ainda por cima um cartão amarelo acompanhado de um segundo cartão amarelo para Paulinho, mas também é verdade que, como disse o David Carvalho, os jogadores do Sporting se cederam de facto nos protestos, rodearam e encostaram o árbitro Soares Dias, que imediatamente teve que impor a sua autoridade. Em relação à entrada de Fedal, é um amarelo precoce, mas é uma entrada muito forte. É a partir de agora, atenções entradas no critério de Artur Soares Dias, a entrada de Pedro Gonçalves. salve, sobre João Mário, o derby arranca quentinho, David. Já se percebeu que a estratégia passa por condicionar e de que maneira João Mário cair imediatamente em cima daquele que é uma espécie de pêndulo da equipa do Benfica no meio campo, e Pedro Gonçalves foi lá e deu, permitam uma expressão, uma ferroada em João Mário, e foi avisado pelo árbitro da partida. Aí está a bola para o ataque do Benfica, intercepta Neto, não impede que a bola chegue até Grimaldo, consegue controlar perto da linha de cabeceira, entrega mal, mas vai ganhar ponta, pé de baliza para António Adan, boa gestão de Neto, ele que hoje enverga a braçadeira de capitão depois da infecção por Covid-19 de Seba Calates. João Mário, ele que reencontra o Sporting, é apenas o segundo jogo da carreira em que está do outro lado da barricada. O primeiro foi em 2014, estava emprestado pelo Sporting ao Vitória de Setúbal. Ponta pé de baliza já cobrada por António Adan. A bola picada para o circuito de ação da parte do Pedro Gonçalves. Permite a passagem para Paulinho. O atraso na direção do Pedro Porro, vai esticar da frente para Pedro Gonçalves. Sai da baliza, Vlaco Dimos poderia ter controlado porque tinha espaço para isso. E amarrado na área, mete a bola fora. Qual livro, parecia autenticamente a fazer essa posição, guarda-redes do Benfica, atirou a bola de cabeça pela linha lateral, dá lançamento para Pedro Porro. Lançamento para o lateral espanhol, a meio do meio-campo defensivo do Benfica, à direita. A desmarcação agora de Matheus Nunes. Aí vem a bola para o Luso brasileiro, o internacional português, a picar para a área, para o corte de Otamendi. A equipa do Sporting a não povoar bem a grande área do Benfica. Tentava passar Porro, a bola embate em Grimaldo, vai tentar completar o alívio para Everton Cebolinha, mete sem apuros, a conseguir passar muito bem o Cirense, mas recupera o Sporting. Intensidade máxima em Leonina, canto para a equipa verde e branca. Agora a facilitar a equipa do Benfica na saída de bola sobre o lado esquerdo, da forma como ataca a formação orientada por Jorge Jesus, que virou as costas ao lance, colocou as mãos nos bolsos das calças e vai assistir ali a poucos metros a este pontapé de canto para a equipa do Sporting. Primeiro canto para a equipa verde e branca. Hoje não há coates para as jogadas habituais. Veremos qual a definição, qual a manobra, qual a matriz do campeão nacional numa bola parada. Canto para Pedro Gonçalves. Vamos chegar aos 5 minutos da primeira parte. Aí está Pedro Gonçalves para levantar as marcações mistas na grande área do Benfica. A atenção de Soares Dias. Sinaliza Pedro Gonçalves. A bola enviada para a área. O cabeceamento e a devolução de Darwin. A bola sobra ainda para Pablo Sarabia. Enche o pé esquerdo. Atirou a bola desviada. Não, para fora. Ponta, pé de baliza. Passa ao perigo para a baliza de Valcodimos. Bola bem ao lado da baliza do Internacional grego. E já sai a jogar o Benfica. Sai a equipa do Benfica. Já vou passar pelos 10 nonos. A equipa do Benfica a transitar com mais velocidade. Zona central do terreno. Aí está João Mário, que estará à esquerda para o valenciano Grimaldo. A devolução da gentileza para João Mário. Tenta ultrapassar a marcação exercida pelo uruguaio Ugarte. A estreia no campeonato. Livre para a equipa do Benfica. Mais uma falta sobre João Mário. Mas foi o Ugarte ali à frente do banco de suplentes, ocupado pela equipa do Sporting e nas barbas do treinador Ruben Amorim. Lado esquerdo, da forma como ataca a equipa do Benfica, ainda a bola longe da grande área, defendida por Adan. Se não estou equivocado, o Sporting, 3 faltas até agora em 6 minutos, 3 sobre João Mário. Precisamente. Ponta, pé livre para a equipa do Benfica. Para ser movimentado de forma estudada, o toque curto de Grimaldo para João Mário. A bola colocada numa zona desinflacionada. No grande círculo, capta Otamendi. Estica à direita para o austríaco Valentino Lázaro. Aí está o lateral emprestado pela equipa do Inter de Milão. Não tem margem de progressão. Atrasa para André Almeida. A bola colocada para Nicolás Otamendi. Aí vem o argentino de 33 anos. Lateraliza, coloca à esquerda para Grimaldo. Já pressionado por Pedro Porro, encosta em João Mário. Encontrou uma linha de passe. A bola outra vez para Grimaldo. O atraso para Vertonghen. E a equipa do Benfica sai a jogar com a bola controlada no seu setor defensivo, mas que intensidade para arrancarmos o derby, José Nunes. Sem dúvida, Sporting muito agressivo nas marcações, já lhe custaram 2 cartões amarelos. Esta entrada agora sobre João Mário também roçou a amostragem do cartão amarelo por parte de Ugarte, e o que é facto é que o jogo está de facto muito